Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Soyez les bienvenus pour un nouveau numéro de Chacun sa voix. Il y a quelques semaines, Chris vous a fait découvrir la carrière de Alexandre Nguyen en dehors des studios de doublage. Quant à moi, le mois dernier, je vous avais fait découvrir l'univers de Jean-Pierre Michel. Aujourd'hui, nous allons faire connaissance avec Thierry Ragnaud. Bonjour, comment ça va ? Bonjour, mais ça va très bien, ravi d'être avec vous. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Avec plaisir. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Alors, je m'appelle donc Thierry Ragnaud, je suis comédien et depuis bien longtemps, en fait, j'ai commencé à Troyes, dans la ville de Troyes, dans l'Aube où je suis né. Et puis à 19 ans, j'ai tenté ma chance à Paris, les Lumières, la ville. Et ça a marché tout de suite, j'ai eu de la chance, je suis parti très vite en tournée avec un grand comédien qui s'appelle Darry Cole. Et voilà, tout a débuté comme ça. Et ma foi, ça se passe plutôt pas mal. J'ai eu la chance de faire un milliard de trucs différents à la fois, que ce soit théâtre, télé, cinéma, doublage, radio, etc., écriture. Et ce qui fait que je ne m'embête jamais et que la vie est bien agréable comme ça. On verra au fil de l'émission que vous avez beaucoup, beaucoup de savoir-faire. J'espère, mais c'est vraiment très agréable, parce que c'est vrai que de toucher un peu à tout, c'est bien pour ne pas s'ennuyer, c'est bien pour la curiosité, c'est bien pour explorer des choses différentes, et c'est formidable, c'est vrai. Et c'est maintenant, je pense, une nécessité économique aussi, puisque le métier était quand même beaucoup moins compliqué, je ne vais pas dire plus facile, mais beaucoup moins compliqué avant. On pouvait éventuellement ne faire que du théâtre, ou que ceci, ou que cela. Maintenant, je pense que c'est impossible. Un comédien qui voudrait faire que du théâtre, que du doublage, ou que je ne sais quoi, il irait pas très très loin, parce que ça devient très compliqué. Oui, surtout qu'il y a un petit souci en ce moment avec tout ce qui est doublage, voix off, etc. C'est une intelligence artificielle qui pose pas mal de soucis en ce moment. Alors là, alors ça, mon Dieu, je ne sais pas où on va arriver avec ça. C'est très compliqué. En ce moment, il y a plein de problèmes. Il y a le problème que les plateformes ont eu les yeux un peu plus gros que le ventre et que du coup, il y en a beaucoup qui perdent beaucoup d'argent. Du coup, il y a un coup de frein de toutes les plateformes en ce moment qui arrêtent les projets, qui arrêtent les séries, qui même celles qui marchaient, qui étaient prévues pour faire une saison 3 ou 4, par exemple, sont arrêtées. Complètement. Donc, il y a un petit peu moins de travail. Il y a la grève des scénaristes qui a commencé il y a un mois, plus celle des comédiens américains qui a commencé il y a 15 jours, qui, je pense, risque de faire un petit peu de mal aussi au milieu du doublage d'ici 3-4 mois, on va le ressentir. Et puis, cette fameuse IA, alors là. Et cette fameuse IA, elle est inquiétante parce qu'elle va très très vite. Ce qu'on apprend nous en 10 ans, elle l'apprend en 3 mois. Et je ne sais pas où on va aller, mais on y va direct. Et pour l'instant, tous les enregistrements qui ne méritent pas de sentiments particuliers, on peut les faire en IA. Les documentaires, de la télé-réalité, des choses comme ça, quand c'est froid et factuel, on y va. Quand il faut mettre du sentiment, des rires, des larmes, des choses comme ça, là c'est beaucoup plus compliqué, heureusement pour nous comédiens. Mais je ne sais absolument pas ce que l'avenir nous réserve. C'est l'inconnu absolu. Ah, c'est bien le modernisme, mais ça a quelques controverses quand même. C'est ça, c'est amusant parce que je suis en train d'écrire une pièce de théâtre en ce moment et il y a quelqu'un qui dit, et c'est une phrase que c'est pas moi qui l'ai dite, quand l'homme invente une nouvelle invention, il invente l'accident qui va avec. Donc le nucléaire c'est absolument fabuleux, mais on sait ce que ça provoque. L'IA, on sait que c'est fabuleux, c'est quand même génial comme technique, comme nouvelle technique, comme approche, c'est une merveille. Mais qu'est-ce qu'il va y avoir comme accident avec ? Pour l'instant, on ne le connaît pas, mais il y en aura. C'est évident et c'est a priori normal, entre guillemets, qu'il y ait un accident avec toute nouvelle invention. Donc méfiance, comme d'habitude, il faut avancer à tâtons, mettre des barrières. Mais bon, voilà, les recherches ADN, le clonage, qu'on a soi-disant arrêté, c'est pas vraiment arrêté. Il y a toujours des recherches là-dessus. Moi, je vous avoue que ça me fait un peu peur, parce que si ça se fait aussi pour la radio, je vais me retrouver au chômage. Ah, bah. Mais exactement, mais c'est compliqué. Alors après c'est ce que je dis, c'est si jamais les questions sont posées normales, des questions qui n'ont pas besoin de sentiments, de réflexion profonde, une IA pourrait les faire à votre place. Simplement, si c'est une question qui va ailleurs, l'IA elle va être complètement dépassée. Pour l'instant, c'est toujours pareil. Après, est-ce que l'IA pourra même elle-même créer des sentiments ou ressentir quelque chose ? Alors là, c'est voilà, faut voir 2001 Odyssée de l'espace, hein, qui a été fait quand même dans les années, je sais plus, 60, je crois. Et qui était donc très très en avance. Kubrick a toujours été très très en avance sur tout. On verra. On verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, dans les films ou les séries, par exemple, dont on fait le doublage, l'intelligence artificielle est présente partout. Bah, voyons le dernier Tom Cruise, la dernière Mission Impossible, on parle que de ça. Ah bon? Dans le dernier Mission Impossible, Tom Cruise, il se bat contre une intelligence artificielle qui, elle, a pris le pouvoir et qui manipule des êtres humains pour obtenir une clé spéciale qui va lui permettre de faire des choses et de dominer le monde. Ça, c'est vraiment le grand truc du film. J'ai vu aussi les Simpsons qui avaient tourné des épisodes il y a des années, qu'ils ont prévu des trucs, mais c'est hallucinant, c'est un peu les Nostradamus modernes. Ben, cela dit, il suffit de regarder les vrais Nostradamus modernes, je trouve que c'est les auteurs, les dessinateurs de bandes dessinées. Tout ce que Moebius a écrit il y a, je sais pas combien de temps, 40 ans, 50 ans, c'est maintenant, ça y est. Et c'est très très très impressionnant quand même, hein. Oui, on se demande comment ils ont fait pour savoir tout ça, c'est hallucinant. Mais oui, c'est vraiment... Je travaille en ce moment avec un dessinateur de bande dessinée, mais qui n'est pas que ça, qui est un artiste extraordinaire qui s'appelle Enki Bilal. Et lui, il dit, mais on observe, en fait, on observe le présent, on sait ce qui s'est passé dans le passé, et de là, voilà, on tire des plans sur la comète, on imagine, et l'imagination n'ayant aucune limite, ils imaginent des trucs absolument incroyables, des sociétés dystopiques, ou vraiment qui sont toutes des sociétés de dictature, etc. Et puis, le problème, c'est qu'on y arrive, en fait. Et c'est ça qui fait très très peur, c'est qu'on y arrive. Et les gens vous connaissent en tant que comédien de doublage, mais aussi en tant qu'acteur. Si je vous fais écouter ce court extrait d'une série très connue, vous allez de suite savoir de quoi je veux parler. Vous l'avez compris, auditeur, Thierry porte plusieurs casquettes, à savoir acteur, comédien, comédien de doublage, mais aussi chanteur. Nous allons d'abord parler de votre carrière en tant qu'acteur. Depuis quand est-ce que vous faites ça? Oh là là, je fais ça depuis que, en professionnel, hein, depuis que j'ai 19 ans. Donc, ça fait très exactement 44 ans. Oh là là, j'en reviens pas moi-même. 44 ans. J'ai commencé, en fait, j'ai pris des cours de théâtre à Troyes, là où j'habitais quand j'étais petit, vers 14-15 ans, pour comme on faisait du foot ou du tennis, quoi, à Troyes, le théâtre, c'était une activité tout à fait normale. Et puis voilà, et puis au bout de 3-4 ans, bah, j'étais toujours là, j'ai passé mon bac, je me suis inscrit en fac de droit. Comme beaucoup de gens, je n'ai jamais poussé la porte de la fac, je ne sais même pas où elle est, en fait, à Troyes. Et puis j'ai continué le théâtre, et voilà, l'histoire m'a souri, et ça continue maintenant au bout de 44 ans, et c'est assez rigolo, quoi. De penser à toute cette vie qui était jalonnée par plein de choses. Est-ce que c'est vrai que pour interpréter un rôle, vous avez plus de liberté sur scène que sur un plateau de tournage ? Oui et non. C'est-à-dire que sur scène, quand le rideau s'ouvre et que c'est parti, plus rien ne peut nous arrêter. Donc effectivement, sur un plateau de théâtre, on est l'acteur, le comédien et maître totalement de la situation. Sauf qu'évidemment, tout a été répété, tout a été organisé, tout a été mis en scène. Et donc, on a une certaine liberté d'improvisation, entre guillemets. Mais enfin, on va d'un point A à un point Z en passant par tous les points qui sont prévus. Et a priori, il n'y a pas beaucoup d'imprévus. Il peut y en avoir. Au cinéma, effectivement, on peut prévoir des choses, mais on est très très très tributaire de la technique, et puis tout est découpé en très très courtes séquences. Donc si on se plante, si on se trompe, on reprend, et il n'y a pas de souci. Mais ça n'empêche qu'on fait plusieurs prises, et que à chaque prise, on peut changer, on fait ce qu'on veut, en fait. Une fois que le metteur en scène, que le réalisateur a dit moteur, moi je peux jouer en chuchotant, en criant, en riant, en pleurant. Si j'arrive à tordre, à décaler un peu la situation, ça peut créer des choses vraiment intéressantes. Sauf si un réalisateur sait exactement ce qu'il veut, et s'il veut qu'on dise ça comme ça et pas autrement, bah ça sera comme ça et pas autrement. Donc voilà, c'est un peu des deux. La liberté n'est pas forcément où on croit qu'elle est vraiment. J'ai vu sur YouTube quelques bêtisiers de Plus belle la vie où des fois vous vous trompez de texte, etc. C'était assez amusant, je trouve. Ah bah ça c'est le petit côté amusant où on voit les qualités et les défauts des comédiens, où on voit leurs tics et leurs tocs. Ceux qui parlent très vite, bon, la plus célèbre dans Plus belle la vie, c'est quand même Sylvie Schlepp, qui elle a rempli les bêtisiers à elle toute seule. Elle parle tellement vite, mais tellement vite, que même parfois, quand on joue avec elle, on comprend même pas ce qu'elle dit, ou ça va tellement vite qu'on ne sait plus où elle est, et c'est à mourir de rire. Et l'équipe technique autour est morte de rire. Donc c'est vrai que quand on bosse avec elle, on peut reprendre assez souvent, mais voilà, c'est vraiment... Sa personnalité est comme ça, il faut pas la changer, elle est comme ça, et elle est très bien comme ça. Et en face, et ben, on s'adapte, et puis chacun a ses petits trucs. Mais bon, les bêtisiers, c'est vrai que c'est très très drôle, très drôle. Vous disiez Sylvie Schlepp, mais il y a aussi Anne Dessy et Cécilia Ornus qui sont dans pas mal de bêtisiers aussi, j'ai vu. Oui, ben, elles sont très rieuses. Cécilia et Anne, elles sont très très rieuses. Il suffit d'un petit rien, et puis hop, si jamais on les regarde un peu de travers, parce que souvent, la caméra est sur l'un et après sur l'autre, ça peut être assez amusant quand la caméra n'est pas sur vous, mais sur votre partenaire, de lui faire un petit clin d'œil ou un petit machin. C'est pas très gentil, faut pas trop le faire quand même. Hein. Mais et là, poum, ça craque. Mais Cécilia, même au théâtre, hein. Au théâtre, moi je sais qu'elle est très rieuse, et quand on a joué ensemble la pièce qui s'appelle Bon anniversaire mon amour, il y a des moments, je savais qu'elle était fragile, parce que c'était un moment très très drôle où le public criait énormément, et il suffisait vraiment que je lui fasse un clin d'œil ou un truc de sourcil ou un geste, et pof, elle y restait, et elle avait le fou rire. C'était jamais calculé, parce que ça, je déteste ça, des fous rires calculés au théâtre. Je trouve ça insupportable, et ça existe. Mais elle, c'était tout à fait naturel, et la pauvre, de temps en temps, j'ai pas été un très très bon partenaire avec elle, où je la faisais rire presque exprès, mais c'était vraiment très très très très drôle, quoi. Ça, au théâtre, voilà. La liberté, l'imprévu, il est là, et quand il arrive comme ça, c'est vraiment une jouissance absolue. C'est extraordinaire. Un fou rire forcé, comment c'est possible de faire ça? C'est bizarre. Eh ben, ça arrive. Les spectacles un peu rigolos, ou les certains one man shows, ou des choses comme ça qui sont en duo, où tout d'un coup il y a un fou rire qui part. Et moi, je savais pas non plus, hein. Mais voilà, j'ai appris que parfois il y avait des fou rires qui étaient un petit peu calculés. Voilà. Il faut savoir que le public adore ça. Quand il se passe un truc imprévu sur scène, le public est complice de quelque chose d'imprévu, et c'est vraiment gratifiant, c'est agréable de se sentir soi-même complice d'un truc sur scène. C'est comme si on faisait partie du spectacle. C'est comme si on entrait dans un truc privé, dans les coulisses du spectacle. Et ça, les gens adorent ça. Et je sais que parfois, voilà, il s'est passé des choses comme ça. Voilà, mais je n'en dirai pas plus, mais c'est pas très grave. Hein. Moi, j'ai pas très envie de rentrer là-dedans. Voilà. Quand ça se passe, que ce soit naturel, c'est très bien, c'est pas grave. Les trous, il y a toujours des trous. Les comédiens ont des trous de texte, forcément. Ça arrive. Mais voilà, ne pas les provoquer, je trouve ça mieux. Bah, ça me fait un peu penser au sitcom où ça rigole, mais c'est pas forcément drôle, en fait. Ça dépend après s'il y a des rires enregistrés ou pas. Et ça s'entend aussi quand même, hein, où il y a des... Quelquefois, vous rendez compte qu'il y a des, comment dire, des films annonces. Souvent, c'est des pièces de théâtre ou des sitcoms où ça rit beaucoup. Et puis, les rires sont un petit peu bizarres. Et en fait, c'est pas des vrais rires. Il y a parfois des rires qui sont ajoutés. Soit à des rires existants, soit à pas de rire du tout, mais ça s'entend dans les séries américaines, les sitcoms américaines, quand ça rigole, on entend très très bien quand c'est des faux rires ou des vrais rires. Hein. C'est très bizarre même des fois, très très flippant je trouve. Ouais, tout à fait. Nous allons faire une première pause musicale et on se retrouvera juste après, à tout de suite sur RGM. Est-ce que le fait de ne pas voir directement les gens devant lesquels vous jouez sur un plateau de tournage, est-ce que c'est un exercice plus difficile par rapport à une représentation sur scène? C'est-à-dire que sur scène, on les voit pas du tout. Sur scène, on voit rien et en tournage, on voit tout. Le problème du tournage, il est là, parce que le tournage, vous voyez les deux mecs qui ont les perches de micro et qui se regardent en faisant des signes incroyables, comme quoi il faut se rapprocher, ou etc. Il y a la caméra qui avance ou qui fait je sais pas quoi. Il y a plein de gens qui bougent dans le champ parce qu'ils préparent la séquence suivante. Il y a des gens qui réagissent en riant tout doucement ou en faisant des signes, etc. Et tout ça, nous, on le voit très très bien. Et il faut faire comme si on le voyait pas. Donc c'est très compliqué. Sur une scène de théâtre, une fois que c'est lancé, on a les projecteurs en pleine figure et on ne voit rien. C'est un trou noir devant. Si on s'approche beaucoup de l'avant-scène, on peut éventuellement voir les personnes des 5 premiers rangs ou des 10 premiers rangs. Mais normalement, on voit rien. Au théâtre, alors ce qui est très, très, très casse-pied au théâtre, c'est quand les gens regardent leur téléphone ou quand un écran s'allume. Ça, c'est une horreur absolue quand on est sur scène. C'est horrible. Je préfère quelqu'un qui tousse ou qui se lève et qui s'en va plutôt qu'un téléphone qui sonne ou qui s'allume. Ça, c'est terrible. Mais sinon, non. Au théâtre, c'est le quatrième mur. Donc, entre nous et le public, il n'y a rien. On ne voit rien. Et c'est moins compliqué à vivre que sur un tournage. Je voulais partager avec vous une citation de Charlie Chaplin qui disait que un bon acteur, c'est mettre de l'émotion dans l'action et de l'action dans l'émotion. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça super. Je trouve ça très très bien parce que, et je trouve que voilà, un mec comme Tom Cruise, par exemple, il fait ça super bien. Et mettre de l'émotion dans l'action, je trouve ça formidable. Parce que sinon, alors l'action, c'est pas seulement une poursuite en voiture. Hein. L'action, c'est aussi le fait de marcher, de porter un truc en disant un texte, c'est bouger. L'action, voilà, l'action, c'est faire quelque chose. Mais si on a bien compris la situation en tant que comédien, si on connaît bien son personnage, si on a travaillé et si on arrive à mettre un vrai sentiment dans le fait de, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais porter un carton et de trouver que c'est lourd. Pourquoi c'est lourd? Parce que dans le carton, il y a certains objets. Ces objets sont des souvenirs qui ont appartenu à quelqu'un qu'on aimait bien. Ce quelqu'un, il est où, etc. Si on a construit tout ça, le fait de porter ce carton, ça va être autre chose. Ça va pas être seulement quelqu'un qui porte un carton. Ça va être quelqu'un qui porte un carton et qui vit quelque chose qui est dans ses yeux, qui est dans son corps. Et ça, c'est fabuleux. Après, mettre de l'action dans l'émotion, je trouve ça super. C'est ma fille, qui est aussi comédienne, qui fait pas mal de doublage, a passé quelques temps aux États-Unis où elle a fait quelques courts-métrages. Et elle m'envoyait ça, et j'étais fasciné parce que je disais, mais j'arrive pas à comprendre, tu parles à des gens, t'es triste là, tu rigoles sur l'autre, et tu fais toujours quelque chose. Et elle me disait, bah oui, aux États-Unis, c'est ça, et les Anglo-Saxons principalement, mais les Américains surtout, ils font ça. Quelle que soit la scène de sentiment qui tourne, ils ont toujours, par exemple, un objet dans la main. Ils ont une paire de lunettes. Elle avait une scène où vraiment c'était pas une scène facile d'émotion. Elle avait une sucette dans la main. Et l'action, c'était de jouer avec cette sucette. Et du coup, l'émotion qu'elle pouvait nous donner, que ce soit dans les larmes ou dans le sourire, était détournée par cette action et rendait à la fois l'action et l'émotion beaucoup plus importantes. Parce qu'il y avait ce décalage. Parce que si on est triste et qu'on pleure face à la caméra, bon bah voilà, le spectateur va être ému, mais ça va raconter quelqu'un qui est triste en disant son texte et qui pleure face à la caméra. Si on a quelqu'un qui tout d'un coup fait une autre action, alors là, ça prend une autre dimension. Donc Chaplin, il avait tout compris, quoi. Et quand on voit ses films, voilà, on pleure quand il se casse la figure ou quand il se prend une tarte à la crème, mais en même temps, on pleure de rire et on pleure tout court. Donc ça, c'est une très très bonne formule. Friedrich Nietzsche lui disait que l'acteur n'éprouve pas le sentiment qu'il exprime, il serait perdu s'il l'éprouvait. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, vous? Ça, c'est toujours le même problème, c'est le paradoxe du comédien. Nietzsche l'a peut-être dit, Diderot l'a écrit aussi. Diderot a écrit ce texte où il fait parler deux personnes. Un qui dit « il faut ressentir les choses », l'autre qui dit « surtout pas, sinon, comme dit Nietzsche, on est perdu ». Il faut un mélange. Il faut un mélange. On dit souvent, il faut rentrer dans la peau du personnage. Mais en même temps, il faut amener le personnage à nous. C'est vraiment un échange. Si le personnage est un nazi épouvantable, on va pas devenir un nazi, évidemment. Mais on va essayer de se rapprocher de la pensée, des sentiments de ce nazi. On va essayer, entre guillemets, de le comprendre. On va essayer de savoir pourquoi il est devenu comme ça. Et ce faisant, évidemment, on va découvrir des choses désagréable, on va découvrir qu'en nous-mêmes, eh ben, on a, on a ce côté nazi, on a ce côté violent, on a ce côté pas gentil avec les autres, raciste, etc. Parce que je pense qu'on est tout à la fois. Et le problème du comédien, c'est de tirer sur les bons fils qu'il a à l'intérieur de lui, en restant lui-même. Si jamais on plonge dans le sentiment du personnage, sans faire attention, je suis d'accord, on ne s'en sort pas. C'est dangereux, c'est vraiment dangereux. Mais vraiment, je le pense vraiment dangereux avec un grand D. Si jamais on ne va pas vers le personnage, si on reste soi-même extérieur, à ce moment-là, il ne va pas se passer grand-chose. On va être un très très grand comédien, mais c'est que technique. Il y a un exemple comme ça, on le cite toujours, Marathon Man, avec Laurence Olivier et Dustin Hoffman. Des géants, des comédiens. On disait toujours, Marathon Man, c'est le film Dustin Hoffman. On dit jamais, c'est le film avec Laurence Olivier. Bon, il y a deux raisons. D'une part, parce que le film est quand même axé sur le personnage de Dustin Hoffman, mais aussi parce que dans le travail, Dustin Hoffman cherchait à ressentir tout ce qu'il faisait, et Laurence Olivier, il était à l'heure, à sa place, il savait son texte, il faisait ce qui était écrit, il était un peu plus technique. Et il disait, Laurence Olivier disait toujours à Dustin Hoffman qui arrivait un quart d'heure en retard, parce qu'il avait fait le tour du pâté de maison pour arriver essoufflé pour tourner la scène. Et Laurence Olivier disait à Dustin Hoffman, quand vous aurez fini de faire l'acteur, on pourra peut-être jouer la comédie. Donc voilà, il y a ces deux tendances-là. Est-ce qu'on joue la comédie et on s'amuse en étant soi-même, ou est-ce qu'on fait l'acteur en essayant de ressentir au plus près les émotions du personnage? Moi, je dis qu'il faut les deux, absolument. Sinon, ça marche pas. En doublage, par exemple, très net. En doublage, quand vous avez un personnage qui rit ou qui pleure en français, moi, j'estime que si le comédien devant le micro ne rit pas pour de vrai, entre guillemets, ou ne pleure pas pour de vrai, n'est pas ému pour de vrai, ça marche pas. Moi, je le sens. On sent que les pleurs sont là, mais enfin, c'est pas des pleurs très très ressentis. Ou c'est pas des rires très très ressentis. Et moi, ça me gêne. Alors, c'est pas facile. C'est pas facile d'aller au-delà de sa pudeur et de vraiment rire ou de vraiment pleurer, mais je pense qu'il faut le faire. C'est le travail qu'il faut faire. Le temps de tournage pour un long métrage, un téléfilm ou une série sont plus ou moins longs. Par exemple, pour la série Les Combattantes, qui a été tournée en grande partie dans les Vosges, le tournage a duré 3 mois. Alors du coup, ça serait à peu près combien de temps pour un long métrage ou un téléfilm ou une série, vous? En fait, ça ne dépend uniquement que de l'argent, que du budget. Qu'est-ce que c'était ce film Blair Witch, un film qui a été tourné, je crois, en une semaine ou 10 jours aux États-Unis parce qu'il n'y avait pas d'argent, et qui a rapporté mais des centaines et des centaines de millions de dollars. Voilà, ça a duré 10 jours parce qu'il n'y avait pas d'argent. Si c'est bien préparé, ça va, on peut tourner assez vite. Les Combattantes, c'était plusieurs épisodes. Les Combattantes, c'était une série, non? Oui, c'est ça, c'était une série, 8 épisodes, je crois, et j'ai dévoré la série en même pas une semaine. Donc 8 épisodes, un épisode de, je sais plus combien c'était des 60 minutes ou des 45 minutes, je me souviens plus. Un tout petit peu moins d'une heure. Oui, c'est ça. Donc normalement, ça, il faut quand même au moins 15 jours, hein, par épisode. Donc peut-être 10 jours, peut-être qu'ils peuvent s'en sortir en 10 jours. 10 jours, c'est 3 mois, c'est ça, ben voilà. 10 jours, ça ferait 3 mois environ. Donc c'est un peu ça. Mais 10 jours, c'est rapide, hein. C'est déjà très rapide. Si c'est bien organisé, tout va bien. Mais c'est uniquement une question de budget. S'il y a un budget qui est très serré, on va trouver les moyens. De toute façon, on a l'obligation de tourner vite. Tourner vite, est-ce que ça donne des bonnes choses? Oui, si c'est très très bien préparé. Non, si c'est pas bien préparé. Pour Les Combattantes, ça a été produit par une très grosse plateforme de streaming, donc je pense qu'au niveau budget, ça devait être quand même pas mal, donc ils ont dû prendre leur temps quand même pour tourner la série. Oui, je pense, oui, de toute façon, les plateformes maintenant, elles ont des obligations de produire en France, et ils vont chercher à produire forcément des choses bien, sinon ils vont se tirer une balle dans le pied. Hein. Mais un tournage d'un film, ça peut durer jusqu'à 6 mois, 8 mois, et puis ça peut mettre un mois, hein. Ça peut aller très vite. Un téléfilm, maintenant, c'est un téléfilm donc d'une heure et demie, 80 minutes, je crois que c'est entre 19 jours. Avant, c'était 20 ou 21. Je crois que ça s'est un petit peu raccourci. Ah oui, ça doit pas être facile de jouer si vite pour faire passer les émotions, etc. Ça doit pas être évident. Voilà, c'est pour ça qu'on a intérêt à bien travailler avant, tous. Les comédiens, le réalisateur, les scénaristes, les producteurs. Il faut que tout le monde soit bien à sa place, pour qu'on perde pas de temps. Sur Plus belle la vie, on tournait 15 minutes par jour, voire 16 ou 17, ce qui est gigantesque, mais gigantesque. Au cinéma, on tourne entre 30 secondes et 3 minutes utiles par jour. Wow. Plus belle la vie, 17. Mmh. Voilà. C'est tout, hein. Après, au cinéma, si c'est bien organisé, on peut tourner 3, 4, 5, 6 ou 7 minutes. Il n'y a pas de souci, les Américains, ils tournent plus vite, hein. Mais il y a beaucoup plus de caméras, il y a plus de moyens, il y a plus d'équipes techniques. Donc voilà. Mais donc, ça coûte plus cher. Les sous, toujours les sous. Ah oui, c'est ça, c'est l'argent dirige le monde, malheureusement. Ah bah oui, bien sûr, ah oui, oui, mais quelquefois, parfois à juste titre, voilà, on peut pas demander à des gens de s'amuser avec des centaines de millions pour faire joujou avec une caméra. Il faut être efficace. En ce moment, je sais que dans les théâtres, même les musées, on demande aux musées d'essayer de pas être trop déficitaire, donc on demande aux musées de faire éventuellement des soirées privées. Mais moi je dis pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Il y a certains films avec des gros budgets, mais le film est pas forcément bien. C'est ça qui m'a un peu dérangé. Bah oui, c'est un petit peu le problème, je pense, du cinéma américain en ce moment. C'est que, à force de faire Superman 1, 2, 3, 12, 27, 14, c'est compliqué pour les scénaristes de trouver des bonnes histoires. Et un film, c'est quand même d'abord une bonne histoire, hein. Des fois, il vaut mieux éviter de faire des suites, en fait. Parce que là, par exemple, Avatar, il y a le 1, le 2, puis ils prévoient d'en faire 5. Alors, je sais pas trop ce qu'ils vont raconter pendant encore 3 films. Ça va être un peu compliqué, je pense. Bah ça, je leur souhaite bien du courage aux scénaristes, effectivement. Et aux spectateurs. Parce que d'après ce que j'ai entendu dire, le 2 est à peu près pareil que le premier, sauf que ça se passe dans l'eau. Moi, j'ai pas pu le regarder parce que je suis épileptique photosensible et il y a pas mal de scènes apparemment qui sont assez vives que je peux pas regarder. Mais d'après ce que j'ai entendu dire, c'est assez semblable les deux. Donc ça va être un peu compliqué pour les suivants. Moi, j'ai vu 10 minutes du premier, je crois. C'est pareil, hein. Les méchants reviennent et attaquent les gentils. Mais pour l'instant, c'est tout ce que j'ai vu. Après, c'est peut-être très très beau, hein. Je sais pas du tout. Les graphismes sont extraordinaires, ça. Oui. Ça, c'est ce qu'on peut... C'est une vraie réussite à ce niveau-là. Alors voilà, ça c'est pareil. Il y a des comédiens là-dedans. Il y en a beaucoup et il y en a pas beaucoup en même temps, hein. C'est compliqué. En tant qu'acteur, on ne peut pas parler de vous sans parler de la série Plus belle la vie dans laquelle vous incarniez le personnage de François Marcy, le fils de Roland qui était gérant du bar Le Mistral. Vous avez interprété ce rôle de 2004 à 2006 et de 2020 à 2022. Il doit y avoir pas mal d'anecdotes de tournage à nous raconter. Bien, et alors il y a même 2012 que vous oubliez. Je suis revenu 2 jours pour faire le 2000e épisode en 2012. Plus belle la vie, ça a un peu changé ma vie quand même, hein, à cause du succès, grâce au succès. En 2004, quand on a commencé les castings, on ne savait pas du tout où on allait. C'était rigolo, mais on ne savait pas ce que c'était. Mon agent m'avait dit, t'es pris, super, c'est pour 1 an. Donc tu vas aller 1 an à Marseille, après ils arrêtent, hein, ils ont signé pour 1 an. Bon, très bien. Et puis on apprend qu'en fait, France 3 avait plus signé pour 3 ans parce qu'il fallait amortir le décor qui a coûté une fortune. Ils prévoyaient de l'amortir en 3 ans. En fait, ils l'ont amorti beaucoup plus rapidement que ça, parce que ça a marché quand même assez vite. Et puis 18 ans, voilà. Donc ça, c'est... Pour tout le monde, je pense que ça a été un changement d'existence, de vie. Des gens se sont installés à Marseille, d'autres ont pu acheter une maison, un appartement. On a tous connu le succès et la célébrité, et ça nous a tous apporté des choses. Moi, ça m'a aidé à faire du théâtre, après, et à trouver des producteurs, et ça, c'était formidable. Et puis on a fait des rencontres incroyables. C'était une aventure humaine insensée. Un truc qui ne se reproduira sans doute jamais parce que ça n'a jamais existé et parce qu'on était tous au départ, et c'est, je pense que ce qui a fait le succès de Plus belle, c'est qu'on était tous des gens pas connus ou pas très connus. Moi j'étais un tout petit peu connu à cause du doublage et puis parce que j'étais dans la série PJ où j'avais fait plusieurs épisodes, mais pas, vraiment pas plus que ça. Et ça a beaucoup joué pour que les gens puissent s'identifier facilement au personnage. Ils s'identifiaient à nous, on était ni beaux ni moches, on était normaux. On vivait normalement. C'était à Marseille qui est, elle, une ville absolument pas normale. Et ça, c'était le petit décalage du génie. Et puis, le génie absolu, c'était que ça se tournait au jour le jour. Donc nous, le 24 novembre, on tournait le réveillon de Noël. Et c'était diffusé le 24 décembre. Et donc les gens se mettaient devant leur télé, ils fêtaient Noël avec nous. C'était le même jour. Et donc ça c'est l'idée de génie qu'ils ont eu, les scénaristes et les producteurs. Ça c'est formidable. Est-ce que vous auriez quelques mots à nous dire sur Michel Cordès et Colette Renard ? Alors, Colette, c'était vraiment la dame avec un grand D, madame avec un grand M de Plus belle. On la regardait, elle, c'était la star. C'était la seule star au départ de Plus belle. Elle est immensément connue dans le monde entier, avec ses chansons un petit peu rigolotes, un petit peu osées. Elle a fait beaucoup de théâtre, beaucoup de comédie musicale. Elle a tourné partout. Elle était incroyable. Donc voilà, on avait devant nous un monstre sacré, et on était vraiment dans nos petits souliers, surtout qu'elle avait son caractère bien à elle, et il fallait pas lui marcher dessus, il fallait la vouvoyer, il fallait vraiment être élégant, déférent, lui ouvrir les portes, pas parler trop fort, pas parler trop machin, la faire passer devant. Mais c'était formidable, parce qu'elle était adorable. Elle avait ce caractère-là et ce statut-là, mais moi je l'adorais. Hein. J'étais un des rares à la tutoyer, à oser la tutoyer au bout de quelques mois. Elle m'a regardé en écarquillant des yeux monstrueux, et puis après tout s'est très bien passé, mais c'était une femme géniale. Génial, moi j'ai adoré bosser avec elle. Et puis Michel, c'est mon père de fiction. Michel, moi j'adorais bosser avec lui parce qu'il avait un défaut extraordinaire, c'est qu'il avait du mal à parler et à faire une action en même temps. Et je m'amusais comme un fou avec ça, et quelquefois je lui donnais ma réplique en lui tendant un verre. Et lui, il était obligé de me répondre en prenant le verre. Et ça lui posait un problème, et on riait. Et on riait avec ça. On a beaucoup, beaucoup ri avec Michel. C'est vraiment quelqu'un qui est adorable, qui est très, très, très gentil avec tout le monde, vraiment. Il était aux petits oignons avec les jeunes qui débarquaient. Il était le patriarche dans la vie, aussi bien que dans son personnage. Et ça, c'était formidable. Alors, c'est vrai que quand on a appris sa mort, là, on est tous vraiment tombés des nues. Mais voilà, je pense que trop de problèmes personnels a fait que ça a débordé et qu'il n'a pas supporté, en fait. Le feuilleton n'y est pour rien du tout, parce qu'il y a un moment donné, il avait un petit peu envie d'arrêter aussi. Il avait un peu le cul entre deux chaises en disant, 18 ans, c'est beaucoup, il avait envie de profiter de sa retraite aussi. Et puis voilà, c'était dans sa vie, c'était pas facile, et donc ça a tourné autrement. Quelles ont été vos plus belles rencontres dans la série Plus belle la vie ? Cécilia. Forcément. forcément. Ça a été extraordinaire. Mais les plus belles, ça a été de construire cette famille Marcy, en fait. Et principalement avec Cécilia et avec Dunia Cossins, qui faisait Johanna, et Geoffrey Sauveau, qui faisait Lucas, les enfants, nos enfants, nos faux enfants. Parce qu'ils sont arrivés à 15 ans et demi pour Dunia et à 18 ans pour Geoffrey. Et ça a été nos faux vrais enfants. Avec Cécilia, on s'en est occupé d'une manière incroyable. C'était vraiment, on a travaillé comme des fous furieux avec eux pour construire cette famille. Et je pense qu'on y est bien arrivé. Parce que si la famille est toujours aussi importante maintenant, en 2023, même en l'absence de plus belle pour l'instant, c'est que je pense qu'on avait bien travaillé. Et ça, c'était vraiment, c'était une rencontre professionnelle et humaine vraiment fabuleuse. Moi j'ai jamais autant bossé que ça sur des scènes avec des gens. Et le résultat, je pense, était là à l'écran. Quelle a été l'intrigue centrée sur votre personnage qui vous a le plus plu ? Je dirais que c'est quand François s'est retrouvé au chômage. C'était vraiment intéressant à jouer, c'était pas évident, et c'était un truc important parce que c'est l'époque où on commençait à parler de ces hommes, c'était souvent des hommes, qui perdaient leur travail, qui n'osaient pas le dire à leur famille, et qui passaient leur journée à ne rien faire, à se cacher. Et qui rentrait le soir et a inventé des trucs. Et ça a été très important. Et je me souviens d'une scène où j'étais dans un square, sur un banc, tout seul, et où je balançais des graines à des pigeons. Et il y avait un côté pathétique, mais tellement humain dans cette scène, que ça a été très important pour moi, ça. Ouais, très. Et puis les scènes à la toute fin de retrouvailles avec Blanche, ça aussi, c'était top. C'était top pour une autre raison, pour une raison privé, professionnel, etc. Tout se mélangeait. Tout s'est mélangé à ce moment-là. J'ai regardé les tout premiers épisodes de Plus belle la vie pendant quelques années. Après, j'ai décroché, j'ai essayé de reprendre, mais il y avait plein de nouveaux personnages. Du coup, j'y comprenais plus rien. Autant vous pouvez reprendre les feux de l'amour comme ça du jour au lendemain. La seule chose qui change, c'est Jack Abbott qui a changé sa raie de cheveux de côté. Mais il y a des divorces, des mariages, etc. Mais alors, Plus belle la vie, je comprenais plus rien, donc j'ai arrêté de regarder, mais c'est vrai que c'était vraiment une série vraiment extraordinaire. Alors, Plus belle, c'était... Il s'est opéré un tournant, je pense, quand la TNT est arrivée. Pendant de 2004 à 2004, 5, 6, 7 et 8, je pense, ça a été assez fidèle... jusqu'à 2007 peut-être, c'est ça. Ça a été assez fidèle à ce que c'était au début. Après, la TNT est arrivée, il y a eu beaucoup plus de programmes. Du coup, les spectateurs se sont partagés. L'audimat de Plus belle a baissé un petit peu, ce qui était tout à fait normal. Et là, peut-être qu'ils ont eu envie de faire rentrer plus de gens pour pouvoir raconter d'autres histoires. C'est vrai que c'est compliqué. Une fois que Rebecca Hampton ou Cécilia Ornus Blanche ont eu 4, 5, 6, 7, 8 amants, il faut faire rentrer du 109. Une fois que les enfants sont partis, une fois que... Voilà. Donc ça, alors évidemment, ça a été un petit reproche qu'on a reproché à Plus belle, c'est qu'on retrouvait plus les fondamentaux du départ. Les gens étaient très, très, très attachés aux 15 personnages qu'il y avait au départ. À la fin, il y en avait environ 50, un truc comme ça, un peu comme dans Les Feux de l'amour d'ailleurs. Et voilà, et là, effectivement, on peut penser que ça s'est un petit peu, pas perdu, mais ça s'est un petit peu délité. Bon, il y a des histoires revenaient, des nouveaux personnages avaient des histoires qui ressemblaient à des anciennes histoires avec des anciens personnages. Mais j'avoue que c'est un peu inhérent à l'exercice. Pour les auteurs, il faut s'accrocher quand même, hein. Il faut qu'ils écrivent un épisode par jour. C'est un exercice d'une difficulté qui est phénoménale. Phénoménale. C'est hallucinant d'avoir réussi à tenir 18 ans, déjà. Je pense que ça aurait pu tenir longtemps. Moi, j'étais sur Les Feux de l'amour aussi pour faire le doublage. Et mon personnage est arrivé, je n'ai rien compris à qui j'étais pendant un an, mais rien. Après, j'ai compris, à peu près. Et puis... voilà, c'est comme vous disiez, Jack Abbott change de raie de côté et il s'est passé quelque chose d'incroyable, effectivement, parce qu'il a changé sa raie de côté. Mais voilà, on s'y retrouve, on s'y retrouve. Et d'ailleurs, je vais rassurer les adeptes des fans des Feux de l'amour qui s'étaient arrêtés, et ben ça ne s'arrête plus, ça recommence, comme Plus belle. Donc, ça, c'est cool. Et sur TF1 aussi. Donc voilà, les choses reprennent. Alors sous quelle forme, ça je ne sais pas. Je me souviens d'une intrigue assez touchante avec Blanche Marcy et Johanna Marcy, où Blanche était tombée amoureuse du mari de sa fille. Et là, franchement, Dunja Cosens a vraiment été extraordinaire sur cette scène. C'était vraiment touchant et Cécilia aussi m'a un peu touchée. Bah, son personnage m'a un peu énervée sur le coup, parce que je me suis dit, comment on peut piquer le mari de sa fille? Enfin, je pense qu'on était beaucoup à penser ça. Mais franchement, cette scène entre les deux était vraiment superbe. Ben oui, Blanche a eu, je crois, 19 amants, un truc comme ça. Je sais plus si on avait fait le compte il y a quelques jours, c'est 18 ou 19, je me souviens plus exactement. Donc, évidemment, il y a de quoi être énervé un petit peu quand on est spectateur, quand même. Surtout que le personnage de Blanche est un personnage un peu emblématique de la femme bien sous tout rapport, très bonne mère, en même temps assez libérée, qui peut écrire des romans érotiques et participer à la vie sociale du quartier, etc. Donc voilà. Alors ça témoigne encore de la qualité de comédienne de Dunja et de Cécilia. Elles sont des comédiennes hors pair. Dunja, c'est extraordinaire l'évolution qu'elle a eue. Et Cécilia y est pour beaucoup. Mais Dunja y est pour beaucoup elle-même parce que c'est quelqu'un d'extrêmement curieux et qui a su justement regarder, ouvrir les yeux et frapper aux bonnes portes. Et faire des choix importants. Et puis quand je disais tout à l'heure qu'on avait très très bien travaillé tous les quatre sur la famille Marcy, ben voilà, le résultat il est là. Il est que quand il y a des scènes extrêmement difficiles à jouer entre Cécilia et Dunja, entre Blanche et Johanna, entre fausse vraie mère et fausse vraie fille, eh ben ça marche. Mais ça marche parce que depuis 2004, elles ont bossé comme des folles à construire leur passé de mère et de fille. Sinon ça marche pas. C'est comme on disait tout à l'heure, ce que Chaplin disait, il faut de l'émotion dans l'action, de l'action dans l'émotion, et il faut un peu de soi-même dans le personnage, et du personnage dans soi-même. Il faut tout combiner. Si on combine tout, ça marche. Et je pense que nous, et Cécilia et Dunja particulièrement, elles avaient tout combiné. Du coup, c'est vraiment agréable, et c'est très gratifiant d'entendre ce que vous dites, que je transmettrai bien sûr à Dunja et à Cécilia sur des scènes comme ça. Pour elles, c'est très très important de savoir que ça marche. D'atomise et de cylindres si longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur. Madame rêve d'artifice, de formes oblongues et de totems qui la punissent. Rêve d'archipel, de vagues perpétuelles, sismiques et sensuelles. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. Oh, ciel. Au ciel. On est loin des amours de loin. On est loin des amours de loin. Comme si c'était tout comme dans les prières qui emprisonne et vous libère. Madame rêve d'apesanteur, des heures de voltige à plusieurs. Rêve de fougères, de foudres et de guerres. à faire et à refaire. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. On est loin des amours de loin, on est loin des amours de loin, on est loin. Madame rêve, Madame rêve. Que vous avez des points communs avec François, vous ou pas ? Pas beaucoup, je dirais pas beaucoup, mais j'ai cherché à faire ses défauts et ses qualités, les miens et les miennes. Mais a priori, le côté bon père de famille, ça oui, ça c'est sûr que j'aime être père de famille, j'aime mes enfants et quand ils sont mal, j'ai mal. Et quand ils sont malades, je suis malade. Après, il y a plein d'autres côtés, de faiblesse, un petit peu de lâcheté, etc., qui me sont un petit peu étrangers. Mais en même temps, voilà, il est comme ça, donc il fallait l'approcher de moi et moi m'approcher de lui. Par moments, c'était compliqué, j'avoue. Mais bon. C'est du boulot. C'est mon boulot et c'est mon boulot de le faire. Et même si je ne suis pas François et si François n'est pas Thierry, il faut réussir à combiner les deux. Voilà. Est-ce que c'est pas difficile de se détacher d'un personnage qu'on a incarné pendant plusieurs années ? Ben si, c'est super dur. Moi, la première fois que je suis parti en 2006, ça a été très compliqué. J'avais qu'une envie, c'était éventuellement de revenir. J'avais même créé un blog sur mon site où je racontais des histoires de François aux États-Unis. Pour vous dire, c'était de la schizophrénie pure et dure. Hein. Et puis voilà, et puis après ça s'étiole, un peu grâce aux spectateurs aussi, qui finalement vous arrêtent un petit peu moins dans la rue, vous reconnaissent moins, ou vous demandent qu'est-ce que vous faites maintenant. Et là on se dit, mais oui, qu'est-ce que je fais maintenant? Mais bien sûr, je fais autre chose. Mais oui, je ne suis pas François, je suis comédien, je fais du théâtre, je fais de la synchro, j'écris, et puis voilà, au bout d'un moment, tout va bien. Mais bien sûr, c'est compliqué. C'est très compliqué, parce que dans la rue, les gens vous identifient totalement au personnage. Moi, quand on m'appelait François dans la rue, je ne répondais pas. Je faisais exprès, dès le début. Et je disais, non, moi c'est Thierry. François n'existe pas. Et ça m'a beaucoup aidé à sortir du feuilleton. Parce que les gens m'ont plus identifié à moi, Thierry, qu'à François. J'ai fait en sorte toujours que François soit un personnage. Et ça, c'était important, très très important, pour faire autre chose justement par la suite. Et j'ai eu la chance de faire Ratatouille en doublage très vite. J'ai eu la chance de faire un épisode de Joséphine Ange Gardien avec un rôle important très vite en sortant, et ça a cassé mon image de François rapidement aussi. Donc ça, c'était une grande chance. Une petite info pour nos auditeurs, à savoir que la série a été diffusée sur France 3 de 2004 à 2022 et elle sera diffusée sur TF1 à partir de janvier 2024. Est-ce que François sera là ou pas ? Eh ben non. Et j'étais un petit peu déçu quand j'ai appris ça. Alors, a priori, la fin de Plus belle la vie sur France 3, où il y avait beaucoup de remariages, enfin beaucoup de mariages et un remariage qui était le remariage de Blanche et François. A priori, ça n'arrange pas les auteurs, d'après ce que j'ai compris, hein, je peux me tromper, mais voilà, d'après ce que j'ai compris, ça n'arrange pas les auteurs sur TF1. Du coup, ils ont décidé de faire en sorte que Blanche ne soit pas remariée. Alors comment ils vont expliquer ça? Est-ce qu'ils vont dire ben ils ont redivorcé? Est-ce que Blanche va dire ben non ça n'a pas marché, du coup François est reparti aux États-Unis? Je ne sais pas, mais toujours est-il que le retour de Plus belle sur TF1, non, se fera sans moi et sans mon petit François. Voilà, bon écoutez, c'est comme ça. Après, bon, on sait jamais. Maintenant c'est comme ça, peut-être que dans un an ou dans quatre ans ou dans je sais pas, ils vont me rappeler en tant que frère de Thomas. Mais voilà, pour l'instant en tout cas, ce sera sans moi. J'ai vu via un site internet que vous êtes aussi producteur. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors ça a été... oui, ça, je suis aussi producteur et ça fait depuis quasiment toujours. C'est-à-dire quand j'ai commencé le doublage c'est un secteur du travail du comédien où on est plutôt pas trop mal payé. Un peu moins qu'avant quand j'ai commencé, mais quand même, il y a quand même encore des sous dedans. Et je me suis toujours dit, si tu fais du doublage, tu mets la moitié de ce que tu gagnes pour produire soit des spectacles à moi, soit pour aider des gens à monter leur spectacle, ou à faire une expo photo, ou à je sais pas quoi. Mais en tout cas, cet argent doit aider quelqu'un, un artiste, à faire son travail. Donc j'ai toujours fait ça. Et j'ai commencé beaucoup par le théâtre, mais j'ai aussi participé à des expos d'art plastique, des choses comme ça. Et j'ai toujours adoré ça. Produire, c'est vraiment être à la base d'un projet artistique. Quand on est comédien, on arrive une fois que tout est fait. Quand on est producteur, on arrive, rien n'est fait. Alors au théâtre, ça peut être un texte qui est partiellement écrit ou tout à fait écrit. Et nous, on est chargé, producteur, de trouver un metteur en scène, des comédiens, un décorateur, un costumier, un théâtre, peut-être un autre producteur, peut-être un tourneur qui va essayer de faire une tournée avec le spectacle, etc. C'est un travail d'organisation que je trouve formidable. Et donc je continue en théâtre où je produis mes propres spectacles. Je participe à certains spectacles des autres. J'ai produit aussi tous mes disques, ou co-produit tous mes disques en tant que chanteur, en tant qu'interprète. Et ça, c'est quelque chose que je veux absolument continuer à faire. Et sur quels critères est-ce que vous choisissez de produire un projet ou pas? Il faut que ce soit... si c'est quelqu'un que je ne connais pas, il faut que ce soit un projet écrit, un texte qui me plaît. Je suis en train justement d'en faire un pour la radio en ce moment. Et si c'est quelqu'un que je connais, c'est beaucoup plus simple. Si c'est quelqu'un que j'aime bien et qui me dit, voilà, il me faudrait ça, est-ce que tu veux bien être coproducteur ou je sais pas quoi? Et je lui dis, bah ouais, a priori, oui. Montre-moi quelque chose, mais l'a priori est oui direct. Là, je produis quelqu'un pour la radio, quelqu'un qui s'appelle Benjamin Gadonex, qui m'a contacté par Facebook, voilà, pour ne pas le cacher, et qui m'a dit, j'ai écrit un texte, est-ce que je peux vous le faire lire? J'ai dit oui, oui, parce que je suis très gentil, mais bon, j'ai pas le temps. Je me suis dit, bon, je vais lire ça, ça va pas être bien. Je lis le texte, c'est formidable, extraordinaire. Donc je le contacte direct et je lui dis, d'accord, ça me branche, on le fait, on réécrit un peu tous les deux, et puis on organise ça. Et donc voilà, on a fait ça, on a fait une première séance d'enregistrement en juillet, on fait la fin en août, en septembre, et on va présenter ça aux radios, à Spotify, à YouTube, etc., aux boîtes de production de livres audio, et on va essayer de vendre le produit. Mais pour l'instant, voilà, on produit ça à perte totale, on ne sait pas si ça va marcher. Mais voilà, il faut que j'ai un coup de cœur, il faut que ça me plaise. Et puis on y va. Pas besoin d'être une comédie, un polar, un truc dramatique, ça m'est égal, je veux bien tout faire. J'ai pas de soucis là-dessus. Nous allons faire une nouvelle pause musicale. Avant de parler de votre casquette de comédien de théâtre, à tout de suite sur Radio Gémozo. Suspense. Retour sur les ondes de RGM avec Thierry Ragnaud pour continuer de faire connaissance avec lui. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission et merci à celles et ceux qui viennent de brancher leur transistor ou leur autoradio sur le 107. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous tourner vers la scène, Thierry ? Alors, l'amour, figurez-vous. À 15 ans, 14-15 ans, à 3, j'étais amoureux d'une fille et elle faisait du théâtre. Et je me suis dit, mais pour la voir, je vais faire du théâtre, je vais aller dans le même cours qu'elle. Et j'ai fait ça. Et donc je l'ai vue, ça n'a jamais été ma petite amie en fait. Elle est restée un an ou deux dans le cours, après elle est partie, mais moi je suis resté parce que ça me plaisait beaucoup. Et voilà. Et du coup, ça a commencé comme ça. Et c'est vrai que c'était très étonnant d'être sur une scène de ce petit théâtre à Troyes, le théâtre Jacques Cantel. Jacques Cantel, c'était notre prof et notre metteur en scène. Et d'être quelqu'un d'autre, en fait, sur scène. Et puis de dire quelque chose, et ça faisait rire ou pleurer les gens. C'est incroyable, c'est fascinant. On se dit, mais j'ai ce pouvoir-là de faire rire ou pleurer les gens. J'ai ce pouvoir-là de faire réagir les gens. Et ils m'applaudissent à la fin parce qu'ils ont bien aimé pour l'ego. C'est extraordinaire. Donc après, attention, il faut bien redescendre sur terre, tout ce qu'on disait tout à l'heure, hein, il faut rester soi-même, mais c'est quand même, c'est génial d'être quelqu'un d'autre pendant une heure ou une heure et demie, mais c'est un plaisir, mais c'est incroyable d'être quelqu'un d'autre, de pouvoir être quelqu'un d'autre en costume d'époque, ou alors d'être un gros, un petit, un gentil, un méchant, c'est fabuleux. Donc voilà, l'envie de faire de la scène, c'est ça, être quelqu'un d'autre. Est-ce que vous vous souvenez de la toute première pièce dans laquelle vous avez joué ? Oui, absolument. Alors, en amateur, hein, en amateur et en professionnel. En amateur, c'était à Troyes. C'était avec Patrick Fournera, et Mathilde Simon. Et c'est une pièce de Françoise Dorin qui s'appelait Le Tournant. Il faisait mari et femme et moi je faisais l'amant. J'étais caché dans le placard. Et à un moment donné, voilà, Patrick ouvrait le placard et hop, il me découvrait là. On avait donc, on avait 16 ans ou 17 ans, donc pas du tout l'âge des rôles, mais c'était fabuleux, quoi. C'était magique. C'était magique. Et ma première expérience professionnelle, c'était donc avec Gary Cole, comédien comique absolument extraordinaire, qui était bègue. Et donc, il a joué là-dessus pour son métier de comédien. Et donc, à 19 ans, j'ai passé une audition à Paris pour une pièce avec lui. Il fallait jouer le rôle d'un jeune fils de bonne famille qui se faisait passer pour fou parce qu'il avait volé les bijoux de sa belle-mère pour offrir des cadeaux à sa petite amie. Très compliqué. Et donc voilà, et j'ai passé le casting, Gary Cole était là, et il me regardait en rigolant, en souriant, et il m'a dit « Ouais, c'est super, c'est super !» Le metteur en scène ne voulait pas de moi, mais Gary Cole voulait de moi, et c'est Gary Cole qui a gagné. Et donc voilà, je suis parti en tournée avec lui, et aventure magnifique. Et est-ce que vous avez joué aussi des pièces dramatiques quand vous étiez en formation en tant que comédien ? J'en ai travaillé. On travaille bien sûr toutes sortes de choses dramatiques, comiques, on travaille tout, justement pour essayer de voir là où on est le plus à l'aise et pour essayer de trouver en soi les ressorts dramatiques ou comiques. Comme je disais tout à l'heure, il suffit de tirer sur les bonnes ficelles hein, et on arrive à pleurer, on arrive à être triste, on arrive à être odieux, à être méchant, à être meurtrier, on arrive à tout. Les pires choses, on les a en soi. Ça, je pense, c'est une certitude pour moi. En tant que professionnel, si, j'ai joué une pièce vraiment dramatique qui s'appelle Le Tambourin de Soie, une pièce de Michéma, où je faisais un vieil acteur de cirque, et c'était super. J'ai joué aussi une pièce d'Arabal, où je faisais un sculpteur qui mourait à la fin. J'adorais ça, j'adore mourir sur scène. J'avais des capsules de sang dans la bouche, et à un moment donné, je les mettais dans la bouche, et je croquais dedans, et là, il y a des flots de sang qui s'écoulaient comme ça, c'était vachement impressionnant. C'était très très bien. Moi j'aime bien jouer les trucs dramatiques, j'aime beaucoup jouer les rôles de méchants, et j'aime bien jouer les rôles comiques, parce que je sais que je peux faire rire pas mal. J'arrive assez facilement à faire rire les gens, donc j'aime bien ça, c'est assez gratifiant. Est-ce qu'il est plus facile de jouer dans un petit ou dans un grand théâtre ? C'est aussi compliqué l'un que l'autre. Parce que dans un petit théâtre, là, par contre, on peut voir les gens. Parce que si c'est tout petit, on a beau avoir les projecteurs dans la figure. Si c'est petit, c'est petit. Hein. On a joué Bon anniversaire, mon amour, avec Cécilia, en Suisse, dans un café-théâtre qui accueillait 40 personnes. La scène faisait 6 mètres carrés. Je dirais, maximum, hein. Et les gens, on les voyait, ils étaient sur nos genoux. On était sur leurs genoux. On était à 10 centimètres. Vraiment, mais pas plus que de 10 centimètres, hein. C'était pas facile, mais il y avait un côté challenge qui était assez étonnant parce qu'on les voyait nous regarder, on les voyait ne pas nous regarder, on pouvait les voir rigoler, réagir, parler à leurs voisins. Tout était là. Et on a joué le même spectacle dans un festival à Fréjus, en plein air, dans une scène qui faisait 16 mètres d'ouverture. Donc là, on marchait pas, hein. On courait presque pour se rejoindre, devant 800 personnes. Donc là, il fallait projeter beaucoup plus. On avait d'ailleurs des petits micros qui étaient devant la scène. Et là, il y avait un côté énergique, plein d'énergie, qui était très plaisant. Il fallait décupler la voix, il fallait décupler les mouvements pour que ça se voie. Ah, c'était super. Aussi, tout est bien, en fait, dans ce métier. C'est fabuleux. Est-ce que vous avez un rituel avant de monter sur scène ? Non, je dirais pas du tout. Depuis quelques temps, je fais pas mal de mouvements de gymnastique parce que je me suis claqué un muscle en jouant une pièce il y a 4 ans, je dirais 5 ans. Et depuis, je fais très, très attention et je me chauffe comme un sportif, en fait. Je me chauffe, donc je monte des escaliers, je descends, je fais des exercices d'étirement vers le haut et des exercices pour me chauffer les cuisses et les mollets. À part ça, non, j'ai pas grand-chose. Quelle a été la plus belle scène sur laquelle vous avez pu jouer ? J'ai envie de dire Les Bouffes du Nord à Paris, qui est un théâtre qui est resté en ruine, qui est un petit peu restauré maintenant, mais un tout petit peu. C'est un théâtre qui a été brûlé par un incendie et qu'on a donné au grand metteur en scène Peter Brook, il y a bien 50 ans, hein, bien tapé. Et quand il est arrivé dans le théâtre, il a dit « Mais je ne change rien, je laisse tout comme ça, tout tombait en ruine, il y avait des traces de brûlures partout, mais il y avait une acoustique dans ce théâtre exceptionnelle qui est restée, et j'ai joué un spectacle là-bas il y a quelques années, et c'était magique. Et puis de savoir que Peter Brook, qui est vraiment le dieu du théâtre, hein, avait travaillé là-dedans, c'est fabuleux. Et cette scène était, ouais, elle était magnifique, cette scène, magnifique. Vous écrivez des pièces, est-ce que vous pouvez nous en parler ? J'écris des pièces depuis très longtemps. Depuis 1984, j'ai écrit ma première pièce pour la radio. J'ai enregistré en tant que comédien beaucoup de pièces dramatiques, on appelle ça des dramatiques, pour France Culture. J'adorais l'exercice et du coup je me suis dit tiens je vais essayer d'en écrire une. Et j'en ai écrit une qui a marché, qui a été achetée par France Culture, que j'ai enregistrée. Donc j'étais très content. Du coup j'ai toujours écrit, j'ai écrit une autre pièce pour le théâtre qu'on a joué à Paris. Et puis quand je suis sorti de Plus Belle, j'ai écrit cette fameuse pièce Bon anniversaire mon amour qu'on a joué avec Cécilia. J'en ai écrit trois autres depuis et là je suis en train de travailler justement à la production de la prochaine qui va s'appeler « Et si tout était écrit » qui sera une pièce musicale et théâtrale. Et l'écriture c'est une autre facette du métier artistique et c'est une facette assez intéressante parce que on est totalement à la base de la création. Et quand on commence, j'écris avec une co-auteur hein, qui s'appelle Corinne Yafil, et quand on commence à écrire, on a une idée. On a nos personnages, on a les noms des personnages, et puis petit à petit ça change. Et petit à petit les personnages se construisent et ils commencent à vivre par eux-mêmes. C'est-à-dire que, en tant qu'auteur, quand on se relit, ou quand on écrit une nouvelle scène, quand on la relit après, c'est quasiment le personnage qui nous dit non, tu peux pas écrire ça. Parce que je ne peux pas dire ça, moi le personnage. Et il y a une chose très étrange qui se passe, c'est que le personnage devient maître de l'auteur. Et quand on arrive à cette bascule-là, c'est passionnant, c'est vraiment extraordinaire, parce qu'on peut inventer tout ce qu'on veut, si le personnage ne veut pas jouer cette situation, il ne la jouera pas. Et nous, on raye et on invente autre chose. C'est quand même un métier assez schizophrénique, hein. Ça peut rendre fou, effectivement, mais c'est ça qui est beau. Et en plus, quand on est auteur, on a droit de vie et mort sur un personnage. Si le personnage nous embête, s'il est trop difficile à un moment, on lui dit « Bon, allez, hop, toi, tu t'en vas, c'est fini, page 3 ». Tu meurs, allez hop, et je te remplace par un autre. C'est assez étonnant, hein, très étonnant. Est-ce que vous jouez à chaque fois dans les pièces que vous écrivez ou pas ? Pour l'instant, oui. Ouais, pour l'instant, toutes. Ouais, ouais, ouais. Et ce qui change, c'est que j'arrive maintenant à avoir un petit peu de distance et à ne pas trop écrire pour moi. Moi, mon ego démesuré. J'apprends à écrire pour l'autre. Parce que si on écrit trop pour soi-même, ça marche pas. Le spectacle marche pas. Il faut enrichir l'autre personnage pour que ce personnage devienne très fort et puisse nourrir le mien. C'est un échange. S'il n'y a pas d'échange, ça marche pas. En plus d'écrire, est-ce que vous mettez aussi en scène ? Pas beaucoup. Je l'ai fait une fois sur un spectacle que je n'ai pas écrit, que j'ai co-écrit. Un spectacle où il y avait un magicien. Et que j'ai beaucoup aimé mettre en scène ça, beaucoup. J'ai pas eu l'occasion, j'ai pas envie de mettre en scène mes propres spectacles pour l'instant. Donc je préfère déléguer ça à quelqu'un d'autre. C'était Philippe Wells, le magicien, avec qui j'ai fait ça. C'était très très bien. J'adore la magie. Est-ce que vous avez joué une pièce dernièrement ? La dernière pièce que j'ai jouée, oui, c'était l'année dernière, et ça s'appelait Les Romanesques. La première pièce de Edmond Rostand. Celui qui a écrit Cyrano de Bergerac. Et on a joué ça à Avignon, à Paris, en tournée. Ah oui, ça s'est très très bien passé, ça. Et là, je faisais un personnage pas très gentil. Et c'est amusant parce qu'il y a des gens assez jeunes, enfin, ou des ados, ou des gens un tout petit peu plus jeunes qui sont venus avec leur famille. Et à la fin, ils me disaient, bah ouais, ouais, vous nous avez fait un petit peu peur, hein, par moment. Et c'est drôle parce que moi qui suis vraiment pas méchant et qui physiquement n'est pas un physique vraiment de méchant, et ben j'arrive maintenant à dégager un truc qui peut ne pas être très gentil, et je trouve ça très drôle. Très très drôle. Parce que jouer les méchants, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Hein. Vous aimez bien jouer un peu les personnages un peu sadiques, c'est ça ? pas sadiques, mais méchants. C'est-à-dire que quand on est gentil, quand on dit bonjour madame, quand on est gentil, on dit bonjour madame. On peut pas le dire autrement. Quand on est méchant, mais alors, il y a plein de façon de dire bonjour madame. On peut y mettre toutes les intonations qu'on veut. On peut faire très sec, bonjour madame. On peut être très gentil, bonjour madame. On peut y mettre toutes les intentions derrière qu'on veut, et c'est ça qui est terrifiant chez le méchant. C'est qu'il peut tout faire. Il a le droit de tout faire parce qu'il déstabilise tout le monde. Est-ce qu'une pièce se joue toujours au même endroit ou est-ce qu'elle peut être exportée ailleurs, par exemple en tournée ? Ah ben bien sûr, il faut qu'elle soit en tournée. Alors là, on va parler d'économie de spectacle. Un spectacle, ça coûte très très cher. Par exemple, pour faire le Festival d'Avignon, ça coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros pour faire le spectacle. On va jouer 22 fois à Avignon. Pendant ces 22 fois, il faut absolument que des programmateurs, des acheteurs de spectacles viennent de toute la France, Belgique, Suisse, d'où ils veulent, trouvent le spectacle bien et achètent le spectacle. Si personne n'achète le spectacle, on est mort. Comment va-t-on rembourser ces dizaines de milliers d'euros nécessaires à la création du spectacle ? C'est impossible. Après, si on vient à Paris et que le spectacle marche, tant mieux. S'il marche pas, Paris, c'est un gouffre financier pareil. Donc là, il faut faire un spectacle qui soit joué dans plein de théâtres différents, dans des petits ou dans des grands, pour qu'on puisse économiquement vivre de ce spectacle. Nous allons faire une autre pause musicale avant de parler de votre casquette de comédien de doublage. À tout de suite sur le 107. M'appelle Jésus, je suis très méchant. Je bénis mes potes d'un grand coup de botte dans les dents. Je suis une teigne, tu veux une baigne? Fais gaffe, je suis une teigne. Déjà tout petit, j'aimais personne. Je mentais tout le temps et puis je cafetais. C'est la bonne. Je suis une teigne, tu veux une baigne? Fais gaffe, je suis une teigne. J'aime pas mon père, j'aime pas ma mère, j'ai que de la haine et rien autour. J'aime pas mon père, j'aime pas ma mère, j'ai que de la haine et rien autour. J'aime pas la guerre, j'aime pas l'amour, j'aime que ma sœur et les yaourts. J'aime pas la guerre, j'aime pas l'amour, j'aime que ma sœur et les yaourts. Je me lave jamais, je sens des pieds, je suce mon pouce, les doigts dans le nez, laisse tomber. Je suis une teigne, tu veux une baigne? Fais gaffe! J'suis une teigne. J'aime pas mon père, j'aime pas ma mère, j'ai que de la haine et rien autour. J'aime pas mon père, j'aime pas ma mère, j'ai que de la haine et rien autour. J'aime pas la guerre, j'aime pas l'amour, j'aime que ma sœur et les yaourts. J'aime pas la guerre, j'aime pas l'amour, j'aime que ma sœur et les yaourts. J'ai une gonzesse que je peux pas saquer, je la déteste, je lui en fais baver. Va coucher. Je suis une teigne, tu veux une baigne? Fais gaffe, je suis une teigne. J'aime pas mon père, j'aime pas ma mère, j'ai que de la haine et rien autour. J'aime pas mon père, j'aime pas ma mère, j'ai que de la haine et rien autour. J'aime pas la guerre, j'aime pas l'amour, j'aime que ma sœur et les yaourts. Oui Madeleine, viens ici. Oui Madeleine, je suis une teigne. Tu veux une baigne? Fais gaffe, je suis une teigne. Arthur. Oui Madeleine. Tout de suite. Oui Madeleine. Arthur, viens ici, j'en ai marre. À bout, t'as pas fini la vaisselle. Qui c'est qui va faire à bouffer? Les casseroles, les poils et les marmites. Tire-bouchons et saucissons. Imbécile, viens ici, assis au pied. Nul, t'es nul, t'es vraiment trop bête. Ne dis rien, tais-toi donc et baisse la tête. Va ranger ta bite, ta bite. T'es pas beau, mouche ton nez, ferme la bouche, s'il te plaît, merci beaucoup. J'aurais pas dû t'épouser, ça suffit. J'en peux plus, tu m'agaces. Arthur, viens ici, j'en ai marre. À bout, apporte-moi mes cachets, mes lunettes et mes bigoudis. Arthur, embrasse-moi tout de suite. J'aime pas mon père, j'aime pas ma mère, j'ai que de la haine et rien autour. J'aime pas la guerre, j'aime pas l'amour, j'aime que ma sœur et les yaourts. J'aime pas mon père, j'aime pas ma mère, j'ai que de la haine et rien autour. J'aime pas la guerre, j'aime pas l'amour, j'aime que ma sœur et les yaourts. J'aime pas mon père, j'aime pas ma mère, j'ai que de la haine et rien autour. J'aime pas la guerre, j'aime pas l'amour, j'aime que ma sœur et les yaourts. Vous êtes toujours sur RGM dans l'émission Chacun sa voix. Je suis toujours là en compagnie de Thierry Ragno qui restera avec nous jusqu'à 23h. Carrément, 23h, mais à quelle heure vais-je me coucher? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Surtout que cette émission passe à 20h, donc ça va, 3h avec nous encore. Très bien, parfait. Vous êtes connu pour être la voix française de Grancho, qui a joué entre autres dans la série Melrose Place. Vous prêtez aussi votre voix au papa de Titeuf et à Vomito. Alors comment est-ce que vous êtes tombé dans le milieu du doublage ? Vomito, c'est mon préféré. Alors, en fait, quand je suis arrivé à Paris, après avoir joué avec Darry Cole en tournée, donc là, il a bien fallu commencer à chercher du boulot, etc. Et j'ai rencontré un comédien qui m'a parlé de doublage. Moi, je ne savais pas absolument pas ce que c'était. Et pour moi, les versions françaises, c'était la version originale. C'est-à-dire que John Wayne, je le voyais, il parlait français, parce qu'il parlait français, voilà. C'était un Américain qui parlait français, et puis c'est tout. J'imaginais pas une seconde qu'il y avait des studios avec des gens à l'intérieur, des comédiens dans le noir qui parlaient devant un micro et qui prêtaient leur voix à tous ces comédiens étrangers. Donc, ce comédien qui s'appelle Henri Poirier m'a invité à venir le voir dans un studio. Et puis là, j'ai vu des gens incroyables. Et j'ai fait un essai direct. C'était en 1980, c'était le 4 mai, quelques jours après mon anniversaire. Le 4 mai 1980, et on m'a dit, tiens, il y a un petit jeune à l'écran, vas-y. Comme ça, direct, je connaissais personne, je comprenais rien. J'ai fait le truc, ça s'est très bien passé, et puis voilà. Et puis ça s'est, je suis tombé dedans comme ça. Ça s'est très bien passé. Du coup, les gens m'ont rappelé tout de suite. Et puis c'était une époque où c'était facile parce qu'il y avait que 3 chaînes. Il n'y avait pas Canal+, il n'y avait pas la 5, la 6, il n'y avait rien. Du coup, on avait beaucoup de temps. Et puis c'était en pellicule. Maintenant, ça a changé. Tout est en informatique. Avant, on faisait en 5 jours ce qu'on fait maintenant en une journée. Ça va beaucoup plus vite. Et donc voilà, je suis tombé là-dedans, ça m'a bien plu, et j'y suis resté. Et je suis bien content d'y être resté. Et selon vous, est-ce qu'on peut faire du doublage sans être comédien ? Alors, on peut tout faire sans être comédien. On peut aussi faire de la chanson, on peut faire du cinéma. Hein. Alain Delon, à la base, il n'est pas comédien. Hein. Moi, je trouve ça un peu compliqué. Il faut vraiment être très, très, très, très, très doué pour faire ce métier sans être comédien. Et pour faire du doublage sans être comédien, il faut vraiment être très habile. Le problème, c'est si on est très habile, parfois, on ne peut rester que très habile. Donc oui, alors on peut faire du doublage, c'est-à-dire qu'on commence pile où il faut, on finit pile où il faut, on est ce qu'on appelle synchrone, c'est-à-dire que on a l'impression que le comédien étranger parle français, mais parfois c'est un peu vide, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de sentiments, je trouve que c'est un peu plat, c'est un peu technique, je dirais. C'est le reproche que je fais parfois, c'est un peu technique. C'est ce que je disais tout à l'heure, moi je trouve que un comédien, quand il fait du doublage, si le personnage rit, il faut qu'il rigole. Si le personnage pleure, il faut pleurer, vraiment. Vraiment, point, c'est tout. C'est comme ça. Et quand on n'est pas comédien, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a toujours des exceptions. Il y a des gens extraordinaires qui sont pas comédiens et puis qui, voilà, ils tombent là-dedans et ça marche. Bon, pourquoi pas. Moi, je suis un peu sceptique. Est-ce que, comme au théâtre ou au cinéma, il faut passer des castings pour postuler pour un rôle ? Ah ouais, partout, c'est pareil. Que ce soit au théâtre ou au cinéma ou en doublage, on passe notre temps à passer des castings. On passe notre temps à les rater. Et quand on en passe 10, on en réussit 1, et c'est déjà formidable. Là, je viens de rater 2 castings en doublage et 1 casting pour une série télé, par exemple. 3 d'un coup. Et en revanche, j'ai eu 2 appels directs pour faire autre chose, voilà. Mais ça, le casting, c'est comme ça, quoi. Et puis de toute façon, même pour le doublage, il y a des clients qui veulent absolument savoir ce qu'on va leur proposer comme voix. Puis il y en a certains qui veulent changer la voix. Si la voix française ne leur plaît pas, même si c'est un comédien qui bosse depuis des années sur un personnage, sur un comédien étranger, ils disent non, moi je veux changer, cette voix ne me plaît pas, donc je veux des essais. Dans ce cas-là, on fait des essais et puis on croise les doigts. Et ça se passe comment, un casting ? Un casting, c'est la même chose qu'un casting au théâtre ou à l'écran. À l'écran, on est dans un studio devant une caméra, il y a quelqu'un qui nous donne la réplique et puis c'est parti. En doublage, on est dans une salle, on est dans un studio, et puis il y a un directeur de plateau qui est là, qui dirige la séance, et un ingénieur du son, comme pour un vrai doublage. On nous explique ce qu'on attend de nous, on nous explique ce que c'est que le personnage, pourquoi il est là, ce qu'on va faire, etc. Et puis on y va. C'est parti. On enregistre, on réécoute. Le directeur de plateau, le directeur artistique, nous dit « Oui, là, c'est bien, mais t'as vu, là, c'est pas synchrone, ou alors là, tu pourrais être plus content, ou le personnage est plus désespéré à ce moment-là. » On corrige, et quand ça va à tout le monde, on se dit « Bon, allez, hop, on croise les doigts. » On dit soit essai numéro 1, et le nom du rôle, soit essai Thierry Ragnaud et le nom du rôle, et puis le client choisit, voilà. Et est-ce que vous avez des retours si vous n'êtes pas retenu pour un rôle ? Alors, je dirais, en doublage, on a souvent des retours. Souvent, on a un petit texto qui nous dit « Ah ben malheureusement, le client ne t'a pas retenu, désolé, ce sera pour une prochaine fois. » En général, c'est ça. En doublage, on a des retours. À l'écran, c'est moins souvent. J'avoue que c'est moins souvent. On aimerait bien que ce soit systématique, mais très souvent, on passe l'essai, puis si ça marche pas, ben voilà, on n'a pas de nouvelles. Et puis c'est tout, c'est comme ça. C'est un petit peu casse-pied, j'avoue. C'est un peu agaçant. Ça met un peu en colère, quelquefois, quand on n'a pas de nouvelles. C'est un peu comme le monde du travail classique, finalement. Ouais, c'est ça. C'est qu'on a l'impression d'être de la chair à canon. Alors, cela dit, en ce moment, d'après ce que je lis autour de moi, dans le monde du travail classique, c'est plus les patrons qui passent les entretiens d'embauche que les salariés. Et ça, ça me paraît être amusant et peut-être un juste retour des choses où il y a pas mal de boulots qui ne sont pas pourvus. Et il y a pas mal de gens qui disent « Ben moi, je veux vous connaître, mon cher futur patron, parce que si vous me plaisez pas, moi je bosse pas avec vous, parce que je pense que j'ai d'autres travails qui m'attendent à côté. » Et j'ai vu pas mal de reportages là-dessus, j'ai des copains qui m'en parlent, et ils ont l'impression de passer, eux, les castings. Intéressant, quand même. Oui, c'est vrai, j'ai jamais eu cette occasion, mais ça doit être assez amusant, effectivement. Ouais, je crois que c'est pas mal. Alors pendant longtemps, j'ai cru que dans les films américains, les acteurs parlaient très bien le français jusqu'à ce que j'entende des interviews avec leur voix. Et là, je me suis dit « Waouh, là c'est bizarre » et c'est là que j'ai découvert le monde un peu caché du doublage. Pendant longtemps, c'était un peu un métier de l'ombre finalement. On savait pas trop que ça existait jusqu'à dernièrement, je pense. Tout à fait. C'était un métier de l'ombre et c'était un métier honteux. C'est-à-dire qu'il fallait pas faire du doublage, il fallait faire du théâtre, oui. Du cinéma, oui. De la télé, déjà c'était pas très bien vu. Mais alors tous ces trucs de voix qui restent dans l'ombre, c'est pas possible. Un comédien, c'est fait pour être une star, c'est fait pour avoir son nom sur une affiche, c'est fait pour être sous un projecteur, pas dans le noir quand même. Donc ça, c'était très difficile. Et puis tout d'un coup, Disney a décidé de faire en France comme il faisait aux États-Unis. Ils ont pris Depardieu, ils ont pris je sais pas qui, Jean Reno, pour doubler un dessin animé. Et tout d'un coup, ça a été un coup de projecteur incroyable sur le doublage. Et maintenant, bah, c'est devenu un truc dont on peut être fier, un truc qu'il faut faire. Moi, je sais que j'ai autant d'appels de journalistes qui veulent faire un article sur Plus belle la vie que sur Ratatouille ou sur Le Mentaliste, par exemple. C'est pareil. Je fais autant de couvertures ou d'interviews pour l'un ou pour l'autre. Donc, ça veut vraiment dire que ça y est, on a maintenant le droit de faire du doublage. Oh mon Dieu, c'est merveilleux. Mais ça fait du bien, hein. Ça fait du bien, effectivement. Au congrès des viscères, sur une feuille de jambon, un poète solitaire cherchait l'inspiration. Ténia, c'était son nom, rampait vers son destin. À l'orée du colon, il pria Saint-Estin. Saint patron du transit, donne-moi l'Alexandrin. Je t'écrirai Testin, tes vers ces parasites. Le grand duo des noms, répondit magnanime. Va donc près du rectum, voir la douve ta cousine. Il était poète, il faisait des vers, et ça tombait bien parce qu'il en était un. Il était poète, il faisait des vers, et ça tombait bien parce qu'il en était un. Ténia pour sa mille écrivit quelques vers, hélas sa poésie n'était que vers de terre. Où m'adouvait de moi, je me fais de la bile, oublions pour une fois nos querelles intestines. En digérant la prose de son cousin Trouvert, la douve devint si rose qu'elle en fit un ulcère. Tes vers n'ont pas de rime, tes rimes ont trop de pieds. Ténia le solitaire, tu n'es qu'un vers nu-pied. Il était poète, il faisait des vers, et ça tombait bien parce qu'il en était un. Il était poète, il faisait des vers, et ça tombait bien parce qu'il en était un. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la était poète, il faisait des vers, et ça tombait bien parce qu'il en était un. Il était poète, il faisait des vers, et ça tombait bien parce qu'il en était un. Du buccal à l'anal, il avait fait le chemin. La flore intestinale lui inspirait la faim. Suant tripes et boyaux, le poète solitaire trouva l'inspiration, trouva la solution. Quand fut tirée la chasse d'eau, quand vous êtes sur scène ou sur un plateau de tournage, vous êtes mis en lumière, alors que dans un studio de doublage, vous êtes entre guillemets dans l'ombre. Est-ce que vous préférez être en lumière ou dans l'ombre, vous ? Alors ça, c'est compliqué. C'est vachement compliqué. Parce que si vraiment je suis honnête à 100%, je préfère être sur un plateau de théâtre, avec un projecteur, avec des gens qui rient quand je parle ou qui pleurent quand je parle et qui m'applaudissent à la fin. Ça, c'est la relation directe avec le public. Et je pense qu'il n'y a pas mieux. Si, je pense qu'il y a mieux, c'est la chanson. C'est encore un plaisir encore plus fort, je trouve. Hein. Ça, c'est personnel. Ensuite, le tournage devant une caméra, c'est un jeu du chat et la souris avec la caméra. C'est savoir qu'il y a plein de gens derrière la caméra qui vont te regarder. Il y a des gens, une équipe technique qui est là. Il y a un partenaire, il y a du monde partout. Il faut faire abstraction de tout. Et en même temps, il faut jouer quand même pour ces centaines de milliers ou millions de spectateurs qui vont aller au cinéma ou qui sont devant leur écran télé. Donc ça c'est important aussi. Après, il y a tout ce qui est la voix. Le doublage, on est dans l'ombre. A priori, c'est très bizarre, quoi. Mais c'est à la fois une réalité artistique et économique. C'est un endroit où on peut gagner des sous. Et quand on est comédien, gagner des sous, sa vie au théâtre, c'est très compliqué et ça devient de plus en plus compliqué, vraiment. C'est très, très, très difficile au théâtre. Hein. Au cinéma, ça devient de plus en plus compliqué aussi. Les salaires, en fait, ne font que baisser dans ce milieu. Faut pas rêver. Des gens qui gagnent des millions, oui, il y en a. Évidemment, il y en a. Il y en aura toujours. Mais c'est pas du tout la majorité des gens. Pas du tout. Ça, c'est un miroir aux alouettes total. Donc, le doublage, c'est une réalité économique. Et puis, quand ça devient une réalité artistique, c'est-à-dire que quand on prend le temps de bien faire les choses, quand on prend le temps de bien écrire le texte français, quand il y a un directeur artistique et un ingénieur du son qui sont très forts et qui dirigent bien les comédiens et qui font un beau son, eh ben le résultat, c'est qu'on a une version française dont on peut être fier. Donc le côté « Ah mon Dieu, je suis dans l'ombre » est un petit peu atténué par voilà, la liste de Schindler en français. C'est une merveille. Samy et Rosie s'envoient en l'air de Stephen Frears. Là, je cite des vieux films. C'est une merveille. J'ai vu Mission Impossible en français, un peu par hasard, parce que je vais surtout en voir tous les films en VO. Et ben, la version française, elle est super bien. Donc c'est bien, c'est gratifiant. Ça veut dire que rien n'est perdu et qu'on peut faire des choses bien partout. Moi, je trouve le film qui est le mieux doublé, à mon sens, c'est Forrest Gump. C'est un de mes films préférés. Ah, lui, je l'ai pas vu en français. Mais lui, oui. Et puis bon, voilà, Tom Hanks, il est doublé par Jean-Philippe Puymartin. Jean-Philippe Puymartin, c'est pas n'importe qui, hein. C'est un sacré comédien, qui est aussi directeur artistique, et qui continue de faire du théâtre, et qui continue le tournage. Il continue tout. Ce qui peut être compliqué quand on fait du doublage, c'est de ne faire plus que du doublage. Ça peut être un peu minant, éventuellement, pour certaines personnes. Peuvent se dire, oh, j'en ai marre, j'aimerais bien refaire du théâtre, mais je ne fais plus que du doublage. Oui, et puis celui qui fait que de la télé va dire, ah ben moi j'aimerais bien faire du théâtre, et celui qui fait que du théâtre dit, ah ben moi j'aimerais bien faire de la télé ou du doublage. C'est compliqué. C'est pour ça qu'au début je disais, il vaut mieux tout faire. Je pense qu'il vaut mieux tout faire. Ce qui me fascine, c'est que l'acteur que vous doublez peut faire passer ses émotions par sa gestuelle et son regard, alors que vous n'avez que votre voix. Ça doit être un exercice très difficile, ça. Alors voilà, et c'est là qu'on rejoint le côté technique. Si jamais, moi, comédien, je double Simon Baker, par exemple, dans Le Mentaliste, si je fais ça que avec ma voix, c'est fichu, c'est mort, c'est raté, c'est nul. Ça veut dire que je ne vis pas du tout dans mon action. Encore une fois, on revient à l'émotion-action de Charlie Chaplin. Je ne revis pas dans l'émotion ce que Simon Baker vit à l'écran. Si je fais qu'avec ma voix, c'est que technique. Moi, je bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup au micro. Je suis un danger public pour mes partenaires. Mais parce que quand il faut courir, eh ben, j'essaie de bouger au micro. Quand il faut lever la main, je lève le bras. Quand j'ai fait Ratatouille, le personnage de Linguini, mais j'étais trempé de la tête aux pieds parce que avec ce petit rat caché dans sa toque de cuisinier, il bougeait sans arrêt, il bougeait la tête, il faisait des trucs. Et là, oui, là, ça marche. mais il faut absolument vivre gestuellement ce qu'on met dans la voix. Sinon, il y a un truc qui marche pas. Il y a que la voix, il n'y a pas les gestes. Ou s'il n'y a que les gestes, il n'y a pas la voix. Et s'il n'y a que la voix, il n'y a pas le sentiment. C'est pas possible. Encore une fois, il faut tout faire. Il faut remettre tout dans son contexte et vivre exactement ce que vit la personne à l'écran. Et c'est comment un studio de doublage ? C'est comme une salle de cinéma, en plus petit. Il y a des studios très très très très grands, là où on fait des films cinéma. Sinon, c'est une salle, un studio, il y a une grande console où on prend le son, une petite table à côté pour le directeur de plateau. Encore à côté, il y a un micro qui est là sur son pied et une petite barre blanche au sol. Il faut pas s'approcher, il faut pas aller au-delà de cette barre blanche. Et en face de nous, il y a un grand écran. Parfois, c'est des télévisions, des grandes télévisions. Le film est diffusé là-dessus. On est en lumière ou pas en lumière dans le studio. Et le film est diffusé, donc images et texte français en dessous. Et puis voilà, on regarde une fois, deux fois. C'est diffusé en séquence, en petits bouts. Et puis c'est parti. Une fois, il y a le rouge qui s'allume, la lumière rouge. Ça veut dire on enregistre, comme à la radio. Et puis on enregistre, on écoute, on recommence, etc. Voilà. Et s'il y a une scène avec un autre comédien de doublage, est-ce que vous la tournez ensemble ou séparément ? Alors, normalement, c'est ensemble. Sauf depuis le Covid, où on a été séparés tout le temps, un seul comédien par micro. Maintenant, ça revient à deux ou trois. Parfois, il y a des studios qui préfèrent continuer séparément, ça dépend. Et parfois aussi, il y a des clients comme Disney, par exemple, qui, eux, aiment bien que ça fasse tout séparément, et depuis toujours. Linguini sur Ratatouille, donc on l'a fait en 2006 ou 2007. Moi, j'ai enregistré tout seul. Et ils voulaient que tout soit enregistré tout seul. Ils voulaient garder toutes les pistes. Donc voilà, après, ça dépend. Il y a des comédiens qui aiment bien enregistrer tout seul parce qu'ils sont plus libres. Et puis, il y a des comédiens qui aiment bien enregistrer avec l'autre personnage parce qu'ils peuvent se parler plus, donc être plus vivants. Ça, c'est vraiment chacun son truc. Et en tant que comédien de doublage, est-ce qu'il y a un film ou une série qui vous a marqué dans lequel vous avez travaillé ? Le Mentaliste, ça c'est évident, évident. Ça a changé beaucoup de choses aussi pour moi, parce que c'était un rôle extraordinaire, c'est un rôle où moi j'ai une liberté mais phénoménale, où là par exemple, j'ai beaucoup plus joué selon moi que selon lui. On a fait une vraie version française. Tout ce qui nous paraissait éloigné du public français, on l'a enlevé et on a essayé de faire de l'humour à la française. Et je pense qu'on a bien réussi parce que je crois savoir que là, il y a au moins 80 ou 90% des épisodes qui ont été regardés en français. Ce qui est rarissime, en fait. Donc je pense qu'avec Thierry Vermuth, qui a dirigé la série, on avait fait un boulot un petit peu particulier sur ce doublage-là. Je pense qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de doublages qui ont eu cette liberté d'action comme ça. Et puis, en dessin animé, bon, on parlait de Titeuf tout à l'heure, là on s'est amusé, mais comme des fous. Vomito, c'était... Et puis, on était quand même 5 comédiens pour faire tous les rôles. Donc, on avait entre 5 et 8 rôles chacun, en changeant les voix. Ça, c'était très, très drôle. Et il y a un truc qui m'a beaucoup fait rire aussi, c'était de faire le Marsupilami. Donc la saison, je crois que c'est la saison 2 du Marsupilami, je crois, où j'ai fait Ouba Ouba. Voilà, c'était mon texte. Ouba Ouba. Mais il fallait les faire avec les sentiments du personnage. Donc des Ouba Ouba pas contents, amoureux, qui avaient faim, en colère, en riant, etc. Ça c'était un challenge absolument incroyable. Et pour la série Le Mentaliste, combien de temps est-ce que vous avez passé en moyenne dans un studio de doublage pour une saison, par exemple ? On faisait 2 épisodes en 3 jours. Qui est assez rapide. C'est pas le plus rapide, mais en 3 jours et demi, je sais plus exactement. Et donc c'est pas énorme, hein. Ça fait quoi, 22 jours par an de travail. C'est pas énorme. Comme vous doublez l'acteur principal, vous pouvez voir en quelque sorte les épisodes avant tout le monde. C'est une sorte d'avant l'avant-première. C'est vrai. Ouais, oui. On les a le jour même. Hein. On les a le jour même quand on arrive. On ne sait pas ce qu'on va faire avant, c'est le directeur artistique qui nous explique ce qui va se passer. Mais on a la primeur de la chose. Et on a le droit de rien dire, on signe des contrats de confidentialité, on ne peut rien faire effectivement. Alors vous faites aussi directeur artistique, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, directeur artistique, période, j'avais eu quelques petites expériences de direction artistique. Donc le directeur artistique, c'est celui qui dirige la séance de doublage, c'est un peu le metteur en scène au théâtre. j'avais dirigé quelques séances de Titeuf, la dernière saison de Titeuf en dessin animé, et là, vers la fin du Mentaliste, j'avais bien aimé la direction qu'avait donnée Thierry Vermuth à notre travail sur la série Mentaliste. Directeur artistique, c'est venu assez vite, et donc j'ai commencé par faire quelques téléfilms, films et séries. Et c'est intéressant d'être directeur artistique parce que, toujours pareil, dans mon souci, moi, de vouloir connaître tout et d'être producteur, etc., directeur artistique, c'est la partie cachée. C'est-à-dire que, voilà, le film est fait, il a été vendu en France, et là, il faut trouver quelqu'un qui fasse la version française, donc on trouve un studio. Le studio fait appel à moi, par exemple, et moi, je dois regarder le film, je dois faire mon casting, je dois proposer ce casting éventuellement au studio et au client, qui doit le valider. Et après, ben, je fais mon plan de travail, je prends les convocations, les libertés de tous les comédiens, je les convoque, et puis le jour J, allez hop, boum, pendant 3 jours, 4 jours, le temps qu'il faut, on travaille sur le film. Et c'est assez intéressant. C'est fatigant, c'est assez fastidieux, le premier travail qui est de chercher les comédiens, de faire le plan de travail, ça c'est pas facile parce qu'il faut faire rentrer des ronds dans des carrés selon les disponibilités des uns et des autres. Mais une fois que tout ça c'est fait, c'est vrai que c'est intéressant. Moi j'aime bien diriger les comédiens comme si j'étais au théâtre, et ça c'est assez passionnant. Et comment est-ce que vous êtes retrouvé directeur artistique? Mais c'est en demandant, en fait, à la fin du Mentaliste, j'ai senti deux choses. J'ai senti que j'avais envie de passer de l'autre côté pour voir ce que ça faisait de tout préparer. Et puis aussi le fait que je savais très bien que, avec le succès du Mentaliste, ma voix allait être très connue et du coup je risquais d'avoir moins de travail. Et c'est ce qui s'est passé, effectivement. Et donc vers l'avant-dernière saison ou la dernière saison, j'ai pensé à ça, j'ai pris les devants et j'ai appelé quelques studios en disant, bah écoutez, voilà, moi ça fait 40 ans que je fais ça, maintenant j'aimerais bien passer de l'autre côté. Donc si jamais vous avez besoin de moi, je suis là. Voilà, il y a 3 ou 4 studios qui m'ont dit, eh ben d'accord, banco, on y va. Et voilà. C'est toujours pareil, ce travail, un peu comme chaque profession finalement, chaque travail, tout se fait selon le désir des uns et des autres. Si celui qui a la possibilité désire vous donner du travail, vous avez du travail. S'il ne le désire pas, si vous ne lui procurez pas de désir, d'envie, mais vous en êtes pas, quoi. Alors dans le doublage, il y a quelque chose dont on parle pas forcément, c'est qu'il y a parfois du chant, comme par exemple vous qui chantiez dans Mulan, je crois, Une belle fille à aimer. Alors est-ce que c'est... Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a une bande rythmo ou est-ce que c'est un peu comme du karaoké, il y a le texte qui défile et puis il faut chanter? Il y a une bande rythmo aussi, hein. Oui, il y a une bande rythmo et qui défile à peu près comme il faut sur le chant, c'est un petit peu laissé à l'appréciation quand même du chanteur. C'est pas forcément pile gravé comme dans le karaoké, justement. On rejoint encore une fois le côté technique et le côté sentiment. Si c'est technique, c'est très bien, mais c'est pas suffisant pour que ça plaise. Donc là, on a une petite liberté, petite, avec le texte qui passe. En général, de toute façon, ils nous donnent la chanson sous un format informatique, on la reçoit chez nous par Internet, et puis on la travaille, et puis le jour J, hop, il y a quelqu'un qui est là, un directeur artistique de chanson, et voilà, et qui nous brief, et avec qui on enregistre ça. Et c'est très plaisant, c'est vraiment très agréable de faire ça. Vous êtes comédien de doublage, mais vous êtes également voix off. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi la différence entre les deux? Alors ça, je ne sais pas. Du tout. J'ai entendu ça, déjà. D'abord, moi je m'estime pas comédien de doublage, je m'estime comédien et je fais de la télé, du doublage, de la radio, du cinéma et du théâtre. Donc pour moi, un comédien de doublage, ça ne veut rien dire, ça n'existe pas. Et voix off, mais je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas, du tout. Alors je pense comprendre que c'est les gens qui font soit des commentaires dans les documentaires, ou alors les gens qui font les commentaires dans les télé-réalités, par exemple. Mais vraiment, cette dénomination voix off, je ne sais pas ce que c'est. Dites-moi, pour vous, c'est quoi, en fait? C'est les voix qu'on entend dans les pubs, c'est aussi les lectures de livres audio. Ah, d'accord. Oui, bon, voix off, donc moi, je savais pas. Et livres audio, j'en ai fait un. J'aimerais bien recommencer, d'ailleurs, parce que je trouve ça passionnant. De la pub, j'en ai fait aussi pas beaucoup, mais un petit peu. J'ai fait beaucoup de documentaires, énormément, et ça, j'adore ça. Et j'ai fait une fois la voix qui commente les jeux à la télé, les jeux télévisés. Ça, j'ai fait ça. J'ai fait aussi une fois la voix d'antenne d'une radio qui s'appelait le Move. J'ai fait la première année de ça. Donc j'ai fait de la voix off, mais alors c'est pareil, hein. En fait, c'est une autre technique. Au théâtre, on parle un peu plus fort parce que la salle est grande, il faut qu'on se fasse entendre du dernier rang. Au cinéma, au contraire, on peut parler beaucoup plus bas parce que le micro est tout près et la caméra vraiment nous scrute tout près. En doublage, il faut faire exactement comme l'original. Et en documentaire, c'est encore autre chose. Il faut essayer de rester vivant, de raconter une histoire et imaginer les gens qui vous écoutent. Ça, c'est important. Mais la différence vraiment, c'est toujours pareil. On peut faire des voix de documentaire ou de la pub sans être comédien, mais c'est plus intéressant quand on est comédien. Parce qu'on y met plus de sentiments. Par contre, évidemment, si le client ne veut pas du tout de sentiments, un comédien va avoir plus de difficultés à faire une voix de pub, parce que lui, il aura envie de mettre du sentiment. Donc finalement, ça peut être fait par une voix artificielle, malheureusement, ça. Alors, voilà, s'il faut simplement commenter le truc, le savon machin lave plus blanc que le savon truc, ça, il n'y a pas de souci, ils pourront prendre l'intelligence artificielle et ça sera tout seul. S'ils veulent un peu de sourire dans la voix, ça va être plus compliqué. Là, en ce moment, je sais qu'ils font des livres audio avec l'intelligence artificielle. Ils font des livres un peu bas de gamme, des histoires d'amour un peu écrites faciles, et des romans policiers pareils. Ça va à peu près. Mais pour l'instant, lire un livre, entre guillemets, intelligent, important, ambitieux, ça, il s'y frotte pas. J'essaye même pas. Mais je pense que ça devrait venir. C'est quoi la modulation de la voix ? Ben, si je suis très honnête, je ne sais pas. Moduler la voix, il y a beaucoup de gens, ça vient de gens qui n'y connaissent pas grand-chose en fait, et qui nous disent, et quelquefois on est dirigé quelquefois par des gens qui n'y connaissent pas grand-chose, hein, ça peut arriver, il y a des bons et des mauvais partout, donc c'est pas un problème, mais qui nous disent, ah ben, module plus. Alors moi quand on me dit ça, je cherche, je me dis, qu'est-ce qu'il veut me dire par là, module plus, ça veut rien dire. Donc je me dis, ah peut-être qu'il veut dire qu'il faut que je sois plus triste ou plus gai, moins fort ou plus fort, je vais essayer des trucs. Mais moduler la voix, c'est je pense faire des inflexions, c'est faire des ruptures dans la voix, c'est jouer plus, tout simplement. Mais souvent c'est des gens qui n'y connaissent pas grand chose ou qui n'ont pas été comédiens ou qui n'ont pas pris de cours de théâtre ou qui viennent d'une école, mais pas d'une école artistique, d'une école technique, d'une école administrative en quelque sorte. Ils ont fait des études de direction de production ou de choses comme ça. Ils savent très bien comment on vend ou on achète un film, mais artistiquement ils savent pas ce que c'est. Voilà, je fais souvent le parallèle avec notre bon ministre de l'économie, qui ne m'en veuille pas surtout. Voilà, notre bon ministre de l'économie sait très bien combien font 2 plus 2, mais il sait pas pourquoi. Donc techniquement, il est très fort, mais humainement, ça pêche un peu. Donc c'est pas facile. Donc il y a une compréhension qui se fait moins bien. Voilà, donc moi, quelqu'un qui me dit « module ta voix », bah, je ne comprends pas ce qu'il me dit. Et comment est-ce qu'on travaille sa voix, justement, s'il faut, par exemple, la monter, la descendre ? Parce que j'ai vu sur les bandes rythmo, des fois, c'est une flèche verte en haut, une flèche rouge en bas. Oui, alors ça, souvent, les flèches, c'est pour les respirations. Quand il y a une flèche vers le haut, c'est qu'on inspire, et quand il y a une flèche vers le bas, on expire. Ça, c'est un signe. Mais en aucun cas, enfin, moi, j'ai jamais vu ça, des flèches pour parler plus fort ou moins fort. Parce que ce qu'il faut, c'est que quand on fait ce métier de doublage, on écoute l'original et on voit bien quand quelqu'un se met à crier et tout d'un coup, il chuchote parce qu'il veut dire quelque chose en cachette et que personne ne l'entende. Donc ça, il suffit de bien écouter l'original. Si le directeur de plateau est obligé de vous dire « Attention, là tu parles pas assez fort, regarde, il chuchote ou il crie », c'est que vous avez mal écouté l'original. Donc faut faire attention à ça. Mais parler plus fort ou moins fort, encore une fois, ça, c'est comme la modulation, ça ne veut rien dire, c'est pas une indication. C'est une indication qu'on donne à quelqu'un qui n'est pas comédien. Vas-y, parle plus fort, parle moins fort. Mais si vous dites ça à un comédien, il va vous dire pourquoi faire. Et là, vous saurez jamais lui dire pourquoi. En fait, parle plus fort parce que le personnage est en colère, parce que il est triste que tel autre personnage lui ait volé ses bonbons, donc il est en colère, donc il va crier. Si on me dit ça, je comprends. Mais si on me dit « crie plus fort », je sais pas pourquoi. C'est toujours pareil. C'est toujours le même truc de est-ce qu'on peut faire du doublage quand on est comédien ou quand on n'est pas comédien ? On peut le faire quand on n'est pas comédien, effectivement. Mais moi, je trouve que c'est mieux quand on est comédien. Oui, c'est ce que disait Benoît Alleman aussi. Il y en a qui ont un talent entre guillemets inné, mais le talent, ça se travaille dans tous les cas. Exactement, exactement. Le talent, c'est pas suffisant. Mais encore une fois, ma fille, elle est très très forte. Elle a fait du doublage toute petite parce que quand je faisais un film et le directeur artistique cherchait une voix de petit garçon, il n'en avait pas. Il m'a demandé, moi j'ai dit ben non, moi j'ai une petite fille. Il m'a dit mais c'est pas grave, à cet âge-là c'est pareil. Et c'est vrai, il a raison. Donc Lutès est venu faire un tout petit truc. Ça s'est très bien passé, du coup il l'a réemployé une fois, et puis après une autre fois, et puis une autre fois. Donc elle était très talentueuse, hein. C'est inné chez elle, voilà, c'est comme ça. Mais maintenant, il faut qu'elle travaille, parce que sinon ça passera plus. Elle va travailler uniquement sur ses acquis, et ses acquis, bah, ça suffit pas. Et n'importe qui, moi c'est pareil, hein. Même après 40 ans de doublage, c'est exactement la même chose. Les jours où je suis pas bien, je suis pas en forme, ou alors le directeur artistique ne sait pas comment me diriger, ou le film n'est pas bon, ou c'est mal écrit, ou je ne sais pas, X ou Y, eh ben, il faut aller chercher ailleurs que dans sa technique. Il faut travailler tout le temps. De toute façon, dans ce métier de comédien, on est remis en question tout le temps. Par les professionnels, par le public, par tout le monde. Dès qu'on fait un truc nouveau, c'est vraiment nouveau. Il faut faire attention. Et est-ce que du coup, vous revisionnez des fois les séries ou les films dans lesquels vous avez prêté votre voix pour voir si vous avez des choses à améliorer ou pas? Très peu, parce que j'aime pas ma voix. C'est comme à l'image, j'aime pas me regarder à l'image quand je tourne un film ou quand je filme une pièce de théâtre. Donc pas beaucoup, mais ça m'est arrivé. Et entre autres sur Le Mentaliste, où une fois j'étais à l'hôtel, je sais pas, je devais être en tournée ou je sais pas quoi, et pof, je tombe sur Le Mentaliste en allemand. Et je regarde et je me dis, ah, c'est pas mal ce qu'ils ont fait, ça colle bien et tout ça. Et après, je passe sur TF1 et c'était en français. Et j'ai regardé un peu et j'ai appelé Thierry Vermuth, le directeur artistique, juste après. Et je lui ai dit, dis donc, c'est quand même pas mal ce qu'on a fait, non? Il a rigolé, il m'a dit, mais c'est vachement bien ce qu'on a fait. Il regardait en même temps, lui, par hasard. Et il a dit, voilà, on a réussi notre coup. Donc là, j'étais content. Ouais, j'étais content de me réécouter, mais moi, j'ai des doutes. Tout le temps, en permanence. Si jamais je pense qu'un jour, j'écoutais, je me regardais et je me disais « Oh, qu'est-ce que je suis bien ?» Ça serait grave, ça serait très très grave. Ça voudrait dire qu'il faut que j'arrête tout de suite, je pense. Il faut toujours se remettre en question et jamais se reposer sur ses acquis, donc. Tout le temps, en permanence. Mais c'est comme vous, à la radio, vous animez une émission, et tout d'un coup, vous êtes un peu à la maison, dans vos chaussons, et vous prenez un peu plus de temps, vous avez moins d'énergie. Immédiatement, vous allez avoir 1000 auditeurs en moins, direct. Et donc, là, il faut savoir pourquoi. Et le lendemain, il faut corriger. Nous, c'est pareil. Et le boulanger est pareil, et le plombier est pareil, hein. Moi, j'avoue que je réécoute souvent mes émissions pour voir ce qu'il faut que je retravaille, si je parle trop vite, si j'articule pas assez, si j'ai pas assez de sourire dans la voix. Parce que si on n'est pas en forme, ça s'entend tout de suite et les gens décrochent, exactement. En fait. Exactement. Tout à fait. Tout à fait. Et le problème dans ce moment, de notre époque, c'est la vitesse et l'articulation. Ça va trop vite et il y a moins d'articulation. Et ça, c'est une catastrophe. Et tous les jeunes comédiens qui débarquent et qui veulent faire du doublage, même du théâtre, ou même sur un tournage, hein, c'est pareil, en tournage, c'est la même chose, je leur dis, mais calmez-vous, c'est pas une course, hein. On fait pas de la Formule 1, c'est pas parce qu'on va parler plus vite qu'on terminera la journée plus tôt. Hein. C'est sûr que non. Donc, on prend son temps, on réfléchit, on travaille, et puis voilà. Après, j'avoue que c'est pas évident, parce que j'ai vu quelques bandes rythmo, parce que des fois, il y en a sur les réseaux sociaux, on peut s'entraîner, etc. Mais des fois, le texte va très, très, très, très vite. Donc, le cerveau a pas forcément le temps d'assimiler ce qui défile et de pouvoir parler par-dessus le personnage. Des fois, c'est un peu compliqué. Bien sûr. Mais ça, chez les Italiens, ils parlent très, très vite. Chez les Brésiliens, ils parlent très, très vite. Les Espagnols aussi. Tout dépend. Les Allemands, c'est beaucoup plus lent. Ça dépend d'un truc, mais c'est pas grave, ça. L'important, c'est pas d'aller vite ou pas vite. L'important, c'est de bien comprendre ce qu'on va faire. Donc, de bien écouter l'original, de bien écouter le directeur artistique qui, s'il a bien fait son travail, est capable de vous dire que le personnage, il fait ceci, cela, il a tel caractère. Là, la scène que vous faites, il est content, pas content, etc., parce que telle raison, telle autre. Et si vous écoutez bien, si vous regardez bien, il n'y a aucun souci, que ça aille vite ou pas vite. Si vous entrez dans l'humeur du personnage, et ben forcément, vous avez la même énergie. Il faut toujours essayer d'avoir la même énergie du personnage. Moi, je travaille beaucoup sur les respirations. J'estime que si j'arrive à respirer comme lui, ça marche. Ouais. Sur les bandes rythmo, on peut voir BO et BF qui correspondent à bouche ouverte et bouche fermée. Comment ça se travaille, ça? Ça, j'ai jamais vu. Moi, j'ai jamais vu, par exemple. Jamais. Ça, c'est encore une fois, encore un truc de technique qui n'a pas lieu d'être. Il faut regarder. On voit très bien que le personnage, il ouvre la bouche ou il ferme la bouche. Donc, on n'a pas besoin de BO ou de BF. Ça, c'est même insupportable, quoi. C'est pas normal, ça. Si on fait ça, c'est qu'on n'est que technique, encore une fois. Donc, on va faire de la technique. On va pas faire de sentiments. Donc, le spectateur, il va s'ennuyer à mourir parce qu'il ne ressentira rien du tout. Il verra un comédien qui ferme la bouche et un comédien qui ouvre la bouche. Ça, oui, il le verra. Et même si c'est bien fait, eh ben ça sera ennuyeux. Donc BO et BF, ben je suis désolé, mais je ne sais pas du tout J'ai jamais vu ça. Ouais, c'est sur les bandes rythmo qui défilent un peu sur le net. Je pense que c'est plus pour les amateurs, en fait, qui font oui, ça. Oui, je pense aussi. Oui, oui, tout à fait, je pense. Ouais. Parce que même des fois, quand je vois les bandes rythmo, c'est marqué bouche ouverte, on sait pas trop ce qu'il faut faire. Surtout que moi, je regarde jamais les versions d'avant. Je fais comme ça au feeling, donc c'est vrai que c'est pas évident. Mais je savais pas que vous aviez pas ça sur les bandes rythmo. Je croyais que c'était naturel, moi. Ah non, non, non, on a les flèches, donc en haut et en bas. On a des H, la lettre H. Plusieurs fois, ça c'est des grandes respirations ou des grandes expirations ou des soupirs. On a des MTS. MTS, c'est la bouche qui s'ouvre. Un truc comme ça. Sauf que MTS, dans la vie, on le fait tout le temps. Mais en doublage, si on entend, c'est que technique, encore une fois, et ça n'est pas très très intéressant. Ça montre simplement que le personnage est en train de prendre une respiration. Voilà. Mais c'est tout. En signe comme ça, il y a ça. Quelquefois, c'est marqué rire. Donc là, il faut bien regarder l'original parce que c'est marqué rire. Il rit comment? Il rit tout doucement, il rit à gorge déployée, il rit très fort, il rit très vite, il rit longtemps. Rire, ça veut rien dire, quoi. C'est toujours pareil. Bien regarder l'original à chaque fois. Et pour les flèches rouges et les flèches vertes, c'est quand il faut monter ou descendre la voix, par exemple quand on pose une question, etc. Ça, j'ai jamais vu non plus. Ça doit être sur Internet aussi parce que nous, on n'a ni flèche rouge ni flèche verte. Quand il faut poser une question, il y a un point d'interrogation. Et sinon, il y a un point d'exclamation, ou il y a un point, ou une virgule, comme, ou trois petits points, comme dans n'importe quel texte, en fait. Mais monter la voix et baisser la voix, non, ça n'existe pas en doublage. Il faut simplement regarder, écouter ce que fait l'original et faire pareil. Donc si le personnage crie, ben je crie. S'il crie pas, je crie pas. Mais il n'y a pas de signe sur la bande rythmo. Mais je pourrais vous en envoyer quelques-unes sur vos réseaux sociaux, si vous voulez, comme ça vous verrez. Ouais, ouais, mais c'est des bandes rythmo que vous avez trouvées sur Internet ou en studio? Non, c'est sur Internet. Apparemment, via un site Internet, on peut créer notre propre bande rythmo, d'après ce qu'on m'a dit. Moi, j'ai pas essayé du tout. Et ouais, apparemment, voilà, tout est marqué dessus. Oui. Mmh. Non, mais ça, c'est n'importe quoi, en fait. Ça, c'est pas du tout ce qui se passe en vrai. Ça n'a rien à voir. C'est pour s'amuser, éventuellement. Mais nous, on n'a pas ça du tout. D'accord. Avant de conclure cette émission, nous allons parler d'une autre de vos casquettes, à savoir le chant. Donc on va écouter une chanson que vous nous avez soumise, à savoir Paroles en l'air. Je lance une parole en l'air qui se fond dans l'atmosphère. Quelques mots pour qu'en hiver tu m'aimes à des années-lumière. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Si l'endroit que tu préfères c'est l'envers de mon décor, je jette une phrase à la mer pour que tu reviennes à bon port. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La nuit s'envole, les serments en sursis. La nuit je vole au secours d'une promesse enfuie. La nuit s'envole, les serments en sursis. La nuit, je vole au secours d'une promesse sans fuite. Aussi vaste soit la terre, dans tes yeux je me perds. Je veux trouver la manière, mettre à tes pieds ces quelques vers. La la, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Une parole en l'air, tu jettes une phrase à la mer. Si tu me souris, j'espère. Si tu mens, je vais en enfer. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La nuit s'envole, les serments en sursis. La nuit, je vole au secours d'une promesse enfuie. La nuit s'envole, les serments en sursis. La nuit, je vole au secours d'une promesse enfuie. sursis. La nuit, je vole au secours d'une promesse sans fuite. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la chanson qu'on vient d'écouter ? Paroles en l'air, c'est une chanson que j'adore, dont j'ai écrit les paroles. Moi, quand je chante, j'écris les paroles et c'est d'autres personnes qui font la musique. Et Paroles en l'air, c'est le titre de mon troisième album que j'ai fait juste avant de sortir de Plus belle la vie. Et j'avais fait deux albums auparavant. J'adore chanter, j'adore ça. C'est vraiment un plaisir physique et psychologique extraordinaire, encore plus que le théâtre. C'est ce que je préfère, je crois. Et Paroles en l'air, bah, c'est une époque où j'avais envie de faire un peu autre chose que ce que je faisais avant. Avant, je faisais des chansons très rigolotes, uniquement rigolotes, qui racontaient des histoires, etc. Et là, j'ai mélangé un peu les plaisirs sur cet album-là. Et Paroles en l'air, c'est une chanson très douce, un peu poétique, sur un petit rythme brésilien que j'aime passionnément. Et ça donnait la tonalité un peu de ce dernier album, qui a effectivement des chansons de ce type-là, qui a des chansons aussi un petit peu rigolotes, mais même les chansons un peu humoristiques, c'est des chansons assez douces et poétiques. Et ça, c'était très agréable. Et c'est vrai que le fait d'avoir fait Plus belle la vie a fait qu'on a pu faire ce disque, qu'on a pu faire beaucoup, beaucoup de concerts. Et c'était une période assez exceptionnelle. Et d'ailleurs, avec la nouvelle pièce là que je suis en train de faire, je renoue avec la chanson parce que ça fait longtemps que j'avais envie de recommencer ça. Si tout était possible, avec qui aimeriez-vous ou aurez-vous aimé faire un duo ? Dutron, Richard Gottener, ça c'est pas possible. Jacques Brel, impossible. En ce moment, M, que j'adore. J'aime beaucoup tous les gens de la nouvelle vague française, de la French Touch, l'électro, c'est-à-dire Paradis, Polo et Pan, les Pirouettes, des gens comme ça, que j'aime vraiment beaucoup, qu'on écoute un peu sur... J'ai écouté la première fois sur FG, je crois, à la radio. Et ça, j'adore ça. Mais j'avoue que faire un truc avec Dutron, ça m'aurait bien fait rigoler. Et avec une chanteuse, non ? Avec une chanteuse avec qui j'aimerais chanter Mylène Farmer. J'adore Mylène Farmer. Mais vraiment, je suis fan absolu, quoi. Ça, j'adore. Et sinon, j'aime beaucoup Véronique Sanson. J'adore. Et les chanteuses actuelles, j'aime bien une fille qui s'appelle Pomme, qui fait des choses, qui fait partie aussi de cette même mouvance d'un peu électro, comme Vendredi sur Mer ou Alice et moi. Tous ces gens-là, j'aime bien ce qu'ils font. Je trouve ça vraiment intéressant, à la fois au niveau des paroles et de la musique et de la rythmique. Et vos chansons de l'album, elles parlent de quoi particulièrement ? Ça parle beaucoup d'amour, beaucoup d'histoires d'amour, et d'histoires d'amour parfois totalement saugrenues. Autant Paroles en l'air, c'est vraiment une chanson d'amour normale, entre guillemets, mais très jolie, que je trouve. Il y a une chanson d'amour qui s'appelle « C'est ça la bourre », où c'est l'histoire d'une histoire d'amour entre un tracteur et une motte de terre, la terre qui se fait labourer par un tracteur, et donc c'est ça la bourre. Ah, ça va chercher loin, hein. C'est très philosophique. Hein. Il y a une chanson qui s'appelle « Le poète solitaire », qui est l'histoire d'un poète qui s'appelle Ténia, et qui écrit des vers, mais qui est solitaire. Donc c'est le vers solitaire, en fait. Hein. C'est Ténia, le vers solitaire, voilà. Donc j'écris des trucs complètement aberrants, complètement fous par moments, et puis des choses un peu plus tranquilles. Il y a une chanson qui s'appelle « ONU soit qui mal y pense », qui est une chanson un petit peu engagée sur l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui, je trouve, ne fait pas vraiment le travail pour lequel elle a été créée. Mais voilà, par exemple. Et puis sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre ? Il y a une chanson narcissique qui s'appelle « Moi », qui est une chanson d'amour où je dis que je m'aime, moi, parce que je suis très beau et formidable. Et ça, c'est très, très agréable à chanter. Et c'est très drôle de voir la réaction des gens en face qui écoutent ça. Ça, c'est toujours amusant. Donc voilà, c'est des choses comme ça. Mais en tout cas, c'est des chansons qui demandent à être autant chantées qu'interprétées au niveau théâtral. Comment ça, du coup ? Vous bougez sur scène, c'est ça ? Oui, et puis ça veut dire que, en dehors du fait de chanter juste et de chanter les bonnes paroles, il faut les jouer, ces paroles. Il faut les interpréter, comme si j'étais un petit peu au théâtre, à la fois. C'est un peu comme Gottener, ou des gens comme ça, qui étaient très, très théâtraux. Brel, c'est incroyable. Il les jouait, ces chansons. Il les chantait, mais il les vivait complètement. Donc c'est ça que je veux dire. Oui, Jacques Brel, il s'exprimait beaucoup avec ses mains et dans le regard, c'était un tout en fait. C'était incroyable, incroyable. Est-ce que vous avez prévu de sortir un disque à nouveau un jour ou pas ? Eh bien oui, justement avec ce nouveau spectacle. Ce nouveau spectacle, il va y avoir pas mal de musique de toutes sortes. Il y aura une chanson, il y aura plusieurs chansons à moi, mais une chanson du dernier disque justement. Et j'en ai écrit deux autres qui seront dedans. Et il y aura plusieurs morceaux qui vont être composés par Xavier Desandre Navarre, qui est un percussionniste absolument formidable. Et on va faire des morceaux originaux, on va faire des reprises. Et il y a notamment deux reprises façon techno de La Truite de Schubert et de La Lettre à Élise de Beethoven, parce que la pièce parle de ça, de la bonne, y a-t-il une bonne et une mauvaise musique, etc. Et donc, il y a plein de choses comme ça, et je voudrais, en même temps que la création de cette pièce, faire l'enregistrement du disque qui comportera les morceaux de cette pièce. Je me rappelle d'une année, je crois, où il y avait plusieurs acteurs de Plus belle la vie qui chantaient la chanson Je veux du soleil, et je trouvais que Cécilia chantait bien. Est-ce que vous aimeriez faire un duo ou pas ? Ouais, ouais, tout à fait. C'était vachement bien, ça. C'était surtout Laurent Kérusoré qui était à la tête de cette opération-là et qui chante vachement bien. Laurent, il chante très, très, très, très bien. Et c'était très sympa. C'était vraiment sympa, ouais, ouais. Et on a refait ça avec une autre chanson, je sais plus quand. Et sur mon dernier disque, moi, j'avais une chanson qui s'appelait Le Marcy Show, qui était une chanson à la gloire de la famille Marcy et qui est sur le disque. Et c'est une chanson directement inspirée de la famille Marcy de Plus belle la vie. Et c'était très sympa, il y avait Cécilia dessus, il y avait Dounia, il y avait Ambroise Michel qui chantait aussi dessus, et puis Eva Suissa qui chantait le générique de Plus belle au début. Il me semble que Anne Decy et Serge Dupire chantent aussi. Serge Dupire, oui, chante. Anne aussi, elle chante, ouais. Même dans ses spectacles au théâtre, elle chante d'ailleurs aussi. Ouais, oui, il y en a quelques-uns comme ça qui chantent. Serge, il a fait des concerts, hein. À Marseille, on a fait quelques-uns. Et est-ce que vous avez gardé contact avec quelques-uns des acteurs de Plus belle la vie ou pas ? Oh oui, oui, oui, il y en a vraiment, que ce soit, bon, Cécilia forcément pour cause, mais que ce soit Dounia, Geoffrey, Ambroise Michel, Sylvie Schlepp, Laurent Kérusoré, on s'appelle régulièrement, on se voit de temps en temps. Anne de Cisse un petit peu, mais moins. Anne, c'est surtout une copine de Cécilia, mais moi je la vois aussi régulièrement. Marie Réache. Marie Réache, alors qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle devait faire un personnage qui s'appelle Babette, je crois. Oui, c'est ça. Et elle, je la vois régulièrement aussi, ouais, ouais. Et oui, il y en a quelques-uns. C'est pas énorme, mais il y en a une petite dizaine quand même, ouais. C'est un peu comme une grande famille, finalement. Eh ben oui, j'aime pas dire ça, mais parce que ce métier est tout sauf une grande famille, ça c'est pas vrai du tout. Mais sur Plus belle la vie, eh ben, c'était vrai. Là, j'avoue que c'est vraiment une famille. Et c'est pas une famille grâce aux comédiens. C'est aussi grâce aux techniciens, grâce aux habillages, maquillages, costumes, et même à la prod. Il y a vraiment un truc qui s'est fait, surtout dans les 2-3 premières années, parce que on savait pas où on allait, quoi. C'était un mystère absolument total. Et donc, tout le monde tirait dans le même sens, tout le monde voulait que ça marche, tout le monde aidait tout le monde, personne n'était laissé en arrière. Et ça, je pense que c'est ça hein, qui a forgé le succès de Plus belle, c'est qu'on sentait bien à l'image qu'il y avait un truc sur ce tournage. Et ça, c'est vrai, c'est vraiment vrai. Mais on parle des acteurs, du réalisateur, etc., mais je trouve qu'on parle pas assez des personnes qui travaillent, entre guillemets, dans l'ombre, ceux qui travaillent sur les costumes, etc. Le problème, c'est que une fois que le produit est terminé, quand il passe au cinéma, quand il passe sur une scène du théâtre, à la télé ou en doublage, ce qu'on voit en premier, c'est les comédiens. C'est d'abord ça. Après, on va parler éventuellement du scénariste, de l'histoire ou du réalisateur. Après, on va dire que la lumière est belle. Après, on va parler des costumes, de la musique. Voilà. Et puis après, on va parler, on n'en parlera même pas, de ceux qui font le cadre, de ceux qui font la photo, de ceux qui éclairent, des éclairagistes, de tout le maquillage, habillage, costume. On ne voit jamais, qui sont totalement dans l'ombre. Mais sans eux, il n'y a rien, hein. Rien du tout. Mais ce qu'on voit en premier, c'est pas eux, c'est le comédien. Donc le comédien, c'est ça qui est très bizarre, c'est que c'est à la fois la dernière personne, quand un film ou une pièce de théâtre se fait, on fait tout d'abord et le comédien arrive en dernier, et une fois que le produit est terminé, qu'il est montré au public, ce qu'on voit en premier, c'est le comédien, qui est arrivé en dernier. C'est assez étrange, ça peut paraître injuste parfois, mais la réalité, c'est ça. Avant de conclure cette interview, je voulais vous demander si vous avez des projets en tant que comédien, acteur, dans le milieu du doublage, ou dans la chanson, oui, du coup. Alors, oui, j'ai plein de projets. J'ai des projets donc en chanson avec cette pièce de théâtre que j'ai écrite, donc en tant qu'auteur aussi, en tant que producteur aussi, en tant que comédien, puisque je joue dans cette pièce aussi, je vais chanter dedans d'ailleurs. Il y a ça. Et puis, il y a ce projet de fiction radiophonique qu'on va terminer. On devrait finaliser tout en octobre. Il faut qu'on ait tout prêt en octobre. J'ai un autre énorme spectacle... avec Enki Bilal, ce dessinateur, artiste, peintre. Alors ça, c'est plus loin. Ça, c'est plus loin, mais ça reste là. Et puis, j'ai quelques projets d'écriture aussi au niveau scénaristique pour la télé et le cinéma. Tout ça, c'est des projets, mais c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a plein de projets. Donc, je croise les doigts, j'espère qu'il y en aura 2 ou 3 qui se feront dans le lot. Et puis, on verra bien. Et sinon, au doublage, ben là, je vais diriger donc un téléfilm italien et un téléfilm brésilien, un policier et une comédie. Et ça, c'est assez amusant. Je vais faire ça fin août et fin septembre. Et puis, en tant que comédien dans le doublage, là, j'ai fait pas mal de... Là, si, oui, là, je suis sur une série coréenne qui est très sympa, qui se passe dans un hôpital et qui est très bien. On fait beaucoup, beaucoup de choses coréennes en ce moment. Et j'aime bien leur façon de faire du cinéma. Je trouve ça vraiment intéressant. Voilà, pour les projets, c'est à peu près tout ça. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet et les réseaux sociaux ? Eh bien, oui. Sur Internet, j'ai pas de site à proprement dit, mais sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram et Facebook. Et je réponds toujours. Je mets parfois du temps, mais je réponds. Ça doit pas être évident si vous recevez beaucoup de messages, surtout sur 2 réseaux sociaux différents. Eh ben voilà. Donc c'est pour ça que je dis, je mets parfois du temps à répondre. Ne m'en veuillez pas si je ne réponds pas, mais en général, je finis toujours par répondre. Prend du temps. Ouais. Mais j'aime bien. Et puis, ça fait partie du jeu. Hein. Ça fait partie du boulot. Le boulot, il est comme ça. Les demandes d'autographe ou les petites questions qui viennent, ben, je trouve ça normal d'y répondre. Après, quelquefois, je réponds avec un petit mot ou un petit émoticône, c'est tout, parce que j'ai pas le temps. Mais en tout cas, c'est lu. Tout est lu. Et c'est moi qui lis et qui réponds. Moi, je vous suis sur les réseaux sociaux. Enfin, je vous suis, ça fait pas un peu phrase de psychopathe, comme si on disait je vous suis dans la rue. Enfin, on follow, je sais pas trop comment on dit, c'est un peu bizarre, je trouve. Disons que je suis votre actualité. Oui, c'est ça, mais ça va, c'est pas... Enfin, moi, je suis très, très peu dérangé. En fait, je pense que j'ai trouvé une solution qui, moi, me convient très bien, c'est que je ne me cache jamais. Donc, quand je sors de la rue, je sors dans la rue, je mets pas des lunettes et des chapeaux et un foulard autour de la tête pour pas qu'on me reconnaisse. Ça sert à rien. Au contraire, ça attire le regard. Donc, je ne me cache pas du tout. Plein de gens connaissent mes coordonnées, mais personne n'en abuse. Parce qu'ils savent que, de toute façon, je lis leurs messages et j'y réponds dès que je peux. Donc, c'est pas besoin de chercher à me piéger, à faire des photos ceci, des photos cela cachées. Ça sert à rien. J'accepte tout. Donc, il n'y a pas de souci. J'accepte tout quand j'ai le temps. Et quand c'est dans des conditions raisonnables, évidemment. Vous êtes qualifié, entre guillemets, de personnage public, mais vous êtes comme tout le monde. C'est ça que les gens ont du mal à comprendre, en fait. Ben, bien sûr. C'est le problème. C'est qu'il y a tellement de gens qui voudraient être comédiens ou je ne sais quoi. Et ils pensent que c'est super facile. Voilà, quand vous me dites sur Internet, il y a des bandes rythmo avec des flèches rouges et des flèches oranges ou vertes, ça me fait peur, quoi. Je me dis, mais ça veut dire qu'il y a énormément de gens qui vont croire que parce qu'on ouvre la bouche et qu'on parle plus fort, ben ça y est, c'est fait. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui me disent « Ouais, j'ai plein de copains qui me disent que j'ai une super voix et qu'il faudrait que je fasse du doublage. » Mais moi, je m'en fiche complètement des super voix. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je préfère une voix cassée, une voix bizarre, mais quelqu'un qui joue. Un comédien qui sait ce que c'est qu'un sentiment et qui sait ce que c'est que retraduire un pleur, un rire, ça oui, ça m'intéresse. Quelqu'un qui a une belle voix, bien ronde, bien faite, alors ça je m'en fiche, mais alors complètement. Ça ne m'intéresse pas une seconde. Il faut jouer. C'est le principal. D'où l'intérêt de prendre des cours de comédie, ça serait plus préférable du coup. Bien sûr, évidemment. Mais évidemment, et des cours de théâtre. Principalement. Après, on peut très bien prendre des cours de théâtre et ne plus jamais faire de théâtre. Et tourner, faire du doublage, de la radio ou je sais pas quoi. Mais on aura la base. Et la base est tellement importante. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Thierry ? De continuer, que les gens, que les professionnels me fassent confiance et me demandent de travailler. Et que moi, je continue d'être curieux, de ne jamais être satisfait, de douter toujours un peu pour pouvoir progresser. Voilà, de ne jamais m'asseoir sur mes lauriers et me dire « je n'ai plus besoin de travailler puisque je suis très fort, très bon et j'ai fait plein de trucs ». Si je dis ça, c'est fini, c'est mort. Donc il faut que le public, la responsabilité c'est le public, hein. C'est eux qui doivent dire « j'aime pas » pour telle ou telle raison. ça c'est important. Pas se dire critique, hein, pas non plus comme les critiques qu'on voit partout sur les réseaux sociaux, sur Bière et Duc, où les gens ou les spectateurs s'imaginent être devenus critiques parce qu'ils ont tout à coup le droit de dire « Ah, c'est nul sur Internet ». Non, non, ça m'intéresse pas. Mais que quelqu'un, qu'un spectateur puisse me dire « J'ai vachement aimé ça, mais je sais pas, j'ai préféré hier ou j'ai préféré l'histoire d'avant ou... », ça c'est important, c'est vraiment important. On a, nous, peuple français, et autres. On n'a pas assez conscience du pouvoir qu'on a. On a un pouvoir absolu. Si on arrête d'acheter tel ou tel produit meurt directement. Si on arrête de regarder telle émission à la télé, telle émission meurt au bout de 3 jours. Et ça, c'est nous. On a un pouvoir gigantesque dont on ne se sert pas assez. Et ça, voilà. Donc, il faut me souhaiter ça, d'être suffisamment curieux et d'avoir un public suffisamment intelligent, averti et exigeant, qui puisse dire « Attention Thierry, là c'est pas bien ce que t'as fait ». Voilà. Vous avez besoin de bouger. Oui, oui, c'est sûr. Moi j'ai vraiment besoin de ça, mais en même temps, je sais que j'ai plein d'autres passions, comme le jardinage, la pêche, etc. J'adore la nature, et si je reste 1 mois, 2 mois, 3 mois dans un endroit... à être au milieu de la nature, en Bretagne, chez moi, et à faire du jardinage et à pêcher, ça me va très bien, hein. J'ai aucun souci avec ça. Donc voilà, faut avoir une bonne retraite et avoir des sous de côté pour pouvoir faire ça, en fait. Alors j'ai une petite fan, enfin une grande fan dans les studios d'invités, ma directrice d'antenne qui s'appelle Yas. Est-ce que vous pouvez lui faire un petit coucou, ça lui fera très plaisir. Eh ben, écoutez avec plaisir. Alors, ma chère Lia, je trouve que tu es une excellente directrice d'antenne, bien que je ne te connaisse pas et que cette radio est nouvelle pour moi, mais en tout cas, j'ai été très content de faire cette interview qui, je trouve, s'est très bien passée. Eh ben, merci beaucoup pour ce petit mot qui me touche droit au cœur. Avec plaisir. Cette émission est maintenant terminée. Thierry, merci d'avoir été avec nous. Mais merci beaucoup. Et puis, longue vie, faites plein de belles et bonnes choses, des choses intéressantes. Et puis, à la prochaine. Et puis, rappelons-nous d'ici 6 mois ou je sais pas quand pour voir un peu l'actualité des uns ou des autres. Oui, d'accord, pas de problème. Ouais, que ce soit par Instagram ou par je sais pas quoi, ou Facebook. Voilà. Du coup, j'ai une petite demande à vous soumettre. Est-ce que ça serait possible que vous prêtiez votre voix pour un petit jingle pour mon émission Chacun sa voix ? Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Radio Gemozo avec Thierry Ragno pour l'émission de Laura Chacun sa voix. Bonne écoute. Merci beaucoup pour ce cadeau, Thierry. Mais de rien du tout. Avec plaisir. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Tout à fait. Ah oui, c'était très bien. Si jamais vous venez dans les Vosges, n'hésitez pas à venir nous voir, vous serez le bienvenu. Il y a beaucoup d'arbres chez nous. D'accord, c'est gentil, super, très bien. Ok. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, prenez soin de vous, c'était Laura. Bye tout le monde.